Maison, je suis vulgaire dès le début de l'émission, moi, incroyable. Bienvenue sur Énergie, bonsoir tout le monde. Il est 21h, nous sommes le mercredi 2 janvier, deuxième émission de l'année 2019. Bonne année tout le monde. Si vous voulez vous brancher sur Énergie, merci d'avoir choisi cette radio avec laquelle vous allez, j'espère, continuer cette année. Enfin, continuer, surtout la commencer, et puis la continuer par la suite, et puis rester avec nous, puisque nous sommes une grande team, on est tout un squad, on est toute une famille, on est. Voilà, je suis votre ami du soir, je suis votre grand frère du soir, et je vous accompagne jusqu'à minuit, les amis, avec des meilleurs moments. Alors, des meilleurs moments de quoi? Ben, du reste de l'émission, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ont découvert l'émission en période de meilleurs moments en disant « Mais c'est trop génial, c'est trop bien cette émission !» Ben, attendez, vous pouvez kiffer l'émission, ça me fait plaisir, mais vous n'avez pas encore entendu quand c'est du direct, hein, avec toute la team. Puisque oui, je ne suis pas tout seul d'habitude, il y a Lara avec moi, ma co-animatrice depuis des années maintenant, et puis il y a également Nigel, également mon co-animateur, qui est en période de blocus d'examen. D'ailleurs, c'est super parce que ce soir on va parler des techniques de triche. Voilà, c'est pas ce que je conseille le plus. On en a parlé pour les étudiants du secondaire qui eux sont encore en vacances jusqu'à lundi prochain, tout comme nous d'ailleurs, enfin tout comme mon équipe, pas vraiment moi puisque je suis là. Mais là, on va parler du sujet des techniques de drague, enfin de triche, pardon. Les techniques de drague sera pour demain. Les techniques de triche par rapport à tous ceux qui sont en blocus. Et je sais qu'il y en a vraiment pas mal là qui nous écoutent en train d'étudier. Ah, les étudiants universitaires. On vous voit là, Louvain-la-Neuve, on vous sent aussi, Liège. Je vais faire toutes les écoles où il y a beaucoup d'universités. Voilà, BX aussi. Bon, les amis, vous savez très bien, si jamais vous voulez qu'on tape un petit peu la causette en privé, tranquille, 0492-222-002, le 0492-222-002. Je sais pas ce qui se passe sur Instagram ces temps-ci, mais vous êtes de plus en plus nombreux à m'ajouter dessus d'ailleurs, à me follow. Alors c'est cool les followers, mais les supporters c'est encore mieux. Parce que tu peux follow quelqu'un où tu dis ouais tranquille. Mais par contre quand tu supportes quelqu'un, parce qu'on a besoin de votre support les gars, hein, être là tous les soirs et signer pour une année à partir du 27 août là, comme on a commencé, jusque fin juin, ah, il faut avoir des supporters derrière, hein, parce que c'est pas évident tous les soirs, hein. Ah ouais, moi j'ai une fille et j'ai un fils, ils m'attendent à la maison, ils veulent faire dodo, ils veulent que je rigole avec eux, ils veulent qu'on regarde Netflix ensemble, mais je peux pas. Ouais, je dédie ma vie à vous, donc il faut me le rendre, hein, s'il vous plaît, sur Instagram Vince Radio, VINZ et Radio. Nili, un petit retour en arrière avec Kelly Rowland, Dilemma, c'est ce qui va arriver. David Guetta aussi. On va commencer avec ça. Alors, je vous ai calé quoi? Du BBG déconné. BBG déconné, c'est quoi? C'est un auditeur ou une auditrice qui appelle son petit copain, sa petite copine pour lui dire, bah écoute chérie, j'ai déconné. Voilà. Parfois, c'est de la tromperie. Parfois, c'est d'autres délires. Les techniques de triche, comme promis, on va en parler ce soir. Alors, il y aura du TTFX, Test ton futur ex, un gros jeu que j'ai ramené, de retour sur Énergie, avec Laurie qui va piéger Martin. Alors, piéger Martin, c'est un gros mot, hein. Va demander à Lara de vérifier si Martin est un gars fidèle. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure sur Énergie. BBG déconné. Une deuxième partie va arriver. François qui piège Ornella. D'ailleurs, je sais qu'il doit y avoir, à mon avis, François qui est à l'écoute de cette émission, là, que je salue. On va repasser le moment, là, où on a discuté de l'article 13. L'article 13, c'est quoi? C'est les gros changements qui vont avoir lieu du côté de YouTube, là. Il va très bientôt y avoir un article, une loi européenne qui va passer et qui risque de ralentir pas mal de personnes qui aiment bien faire des petites vidéos sur Internet ou alors vous privez de contenu que vous aimez bien. Et on en parlera avec Matt se fait des films. Matt se fait des films, c'est qui? C'est un youtubeur belge qui compte plus d'un million d'abonnés sur YouTube et qui fait des reviews, si on peut dire ça comme ça, ouais, des reviews, des analyses de films, mais de manière un petit peu humoristique. Très humoristique d'ailleurs. Donc il sera avec nous tout à l'heure dans l'émission. Et puis je vous ai également promis, et ça c'est sûr et certain que ça va arriver, du prank de l'extrême, Vincent qui piège Mathieu. Tout ça c'est explosif. Les amis, accrochez-vous bien, montez le volume de votre radio. On va commencer tout de suite avec David Guetta et Bébé Rexha. Et juste après Bébé, je les connais. Voici Say My Name avec J Balvin. Je vais le faire en solo. D'habitude, il y a du monde autour de cette table, mais là, je vais le faire en solo. Vince, c'est dans la maison. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you really being honest, if you really want this. Ooh, oh. Why you working like a stranger? What's with your behavior? Tonight, tonight, tonight. acting like a stranger. What's with your behavior? Ooh, oh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me heal. Say my name, say my name. I am dying to believe you. Let go, come on. Say my name, say my name. If you love me, let me heal. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me heal. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. Antoine, t'es prêt? On va tout de suite lancer le bébé. J'ai déconné. You ready? On appelle, c'est parti. Alison en direct. On appelle en live. On va couper nos micros, on va écouter ce qui se passe. Et après, Lara va intervenir sur le nom d'Aurélie. Mais elle n'a pas que 16 ans. Et elle n'attend pas d'enfant. Peut-être. Oh oui, peut-être. Oui, allô? Oh, c'est rapide. Allô? Ça, chérie. Ah, mon cœur, ça va? Ça va, ça va. Désolé, je t'appelle en privé parce que mon téléphone, il y avait un problème, comme je t'avais dit, que j'allais t'appeler. Et en fait, il faut que je t'explique un petit truc. Ouais, dis-moi. Je sais pas si tu te rappelles. Dis-moi, tu vas bien au moins? Ça se passe bien? Oui, assieds-toi, ça va, Pardon? Assieds-toi deux minutes. Assieds-toi deux minutes, s'il te plaît, parce que j'ai un truc à dire important. Tu me fais peur, Non, t'inquiète. Si, t'as raison d'avoir... je t'explique. T'as rien. Rassure-moi, t'as rien. Non, moi, j'ai rien, t'inquiète. C'est bien, t'as toujours peur pour moi, mais là, c'est... Attends, je t'explique. Donc, voilà. Tu vois, la semaine passée, quand t'étais de garde à l'hôpital, quand tu faisais la nuit. Oui. Je sais pas si tu te rappelles une Aurélie qui me parlait sur Facebook, mais je savais que c'était une ancienne amie de classe, etc., que t'aimais pas trop. Oui, je vois. En fait, elle m'a envoyé un message, et elle m'a dit de venir, parce qu'elle avait invité tous les gens de notre ancienne classe de réto et tout. Donc, c'est pour ça en fait que je te répondais pas au message que je t'ai dit que je m'étais endormi pendant que tu faisais la nuit. Et en fait, j'ai été à la soirée. Mais le problème, quand je suis arrivé, il n'y avait que moi de la classe. Il n'y avait personne d'autre. Et donc, on a commencé à boire un verre ou deux. Je croyais que les autres allaient arriver. Mais il n'y a jamais eu personne. Et il s'est passé quelque truc avec elle. Tu rigoles, là? Non, je t'assure. Non, je rigole pas. Mais voilà, quoi. Ça s'est passé. Je suis désolé. T'as couché avec ton ami de l'école? Ouais, je suis désolé, je sais bien, mais j'ai pas envie que... Je préfère te le dire, que tu le saches par après et que tous nos projets soient... Non, on va acheter une maison et tu me trompes, tu rigoles? Non, mais c'était pas trop... J'étais bourré, et voilà, quoi, c'est... Que tu sois bourré ou pas, tu dois pas me tromper. Je suis désolé, franchement, je sais pas. Tu dois pas me tromper, c'est comme ça, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a acheté une maison, tu te rends compte? Mais ça, au moins je te l'ai dit, c'est mieux qu'on parte sur des bonnes bases et qu'on aille pas dans la même. Qu'on commence pas quelque chose et que tu saches pas ce que j'ai fait, au moins je t'explique. On a commencé notre relation il y a 5 ans. Les bonnes bases, c'est à partir du moment où on s'est mis ensemble. Il n'y a pas de mauvaise base normalement, hein. T'es qu'un bâtard en réalité. Non, il faut pas exagérer. Ça a été, et voilà. Puis je l'ai revu encore une fois aussi, je t'avoue. On s'est revu 2-3 fois. Mais tu te rends compte de ce que tu es occupé de me dire? Mais tu me fais péter un câble. T'es où, là? Ben, je suis chez des potes, comme je t'avais dit. Chez des potes ou chez Aurélie, encore une fois? Chez des potes. Oh, mon vieux, demain... T'as tes affaires dehors. Je suis désolée, mais la maison, je sais pas comment on va faire. Mais non, c'est bon, on a déjà signé tous les trucs, c'est bon, on va. C'était avoué, je l'ai fait deux. Voilà, j'ai été deux, trois fois avec. C'était juste un plan cul. Voilà, c'était rien d'autre. Une blague. Je te satisfais pas, c'est quoi ton problème? Ben, c'est pas que tu me satisfais pas, mais Antoine, quand tu fais les nuits, etc., ben, j'ai envie de baiser, tu Antoine, vois. Antoine, tu peux demander. Mais tu sais pas. Antoine, demande à Alison si c'est on peut bordel, emménager ensemble. C'est une blague. Alison. Antoine. Ah ben, allô. Antoine, ah, c'est quoi ton bordel? Tu lui as demandé si je peux habiter avec vous dans la nouvelle maison. Oh là là, j'hallucine. Antoine, ramène tes fesses chez moi tout de suite. Elle veut pas, elle est fâchée. Toi, tu fermes ta gueule. Oh, mais elle m'a pas bien m'accueillir, tu avais pas... Tu avais dit qu'elle voudrait bien que quand je... Antoine, je vais te faire foutre. Passe-la-moi. Ça a été coupé. Oh là là, elle va porter plainte, elle va ramener tous les. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, faut danser petit. Bon, Antoine, t'as réussi à la piéger, on va lui dire que c'est une blague quand même. Hein. Non, allez. Ah, ben les gars, attendez, faut qu'on le fasse. Faut continuer, il faut la faire pleurer. Toujours dans la buse. Merci Antoine. Antoine, j'adore parce que alors Julie kiffe ce genre de truc. Allez, un Oscar rancunière. Pour toi. C'est je veux bien qu'elle soit pas rancunière, mais toi directement, il rentre dedans. Là. Ouais, je veux qu'elle pleure. Elle est pas rancunière. C'est une fille qui prend vraiment bien soin de moi. Elle est pas rancunière. Oui, mais c'est quand même une souffrance pour elle. Tu vois, nous on fait une blague. Allez, hop, t'as gagné un cadeau. Bien, t'es sur énergie. Non, mais par contre, qu'est-ce que ça a à voir avec bien prendre soin de quelqu'un et rancunière? Ouais, c'est vrai. Je vais dire à chaque fois, elle est gentille avec moi et tout. T'as vu? Ça c'est de la gentillesse. On a surtout remarqué que tu prenais soin de la plus bonne des bonnes de ses copines. Bon, Antoine, on rappelle. Alors, c'est qui? Toi, tu parles d'abord ou alors c'est d'abord Aurélie? Viens, fais semblant de parler ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu me veux encore? Écoute. Je sais pas ce qu'elle s'énerve. Non, Antoine. Alison. Non, il y a pas d'Alison. Tu dégages. Antoine, tu te ramènes ici, ça va? Écoute-moi. Non, j'ai pas à t'écouter, toi, grosse pute. Dégage. Touche pas mon mec. Surveillez ton langage. Je m'en bats les reins. Tu dégages. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Qu'est-ce que c'est cette femme? Cette femme, c'est la femme à Antoine, ok? Pas d'éducation. Antoine m'a dit que hospitalité. Oui, je travaille à l'hôpital, et alors? Mais non, tu n'as pas compris. Toi, tu travailles à l'hôpital. Tu connais hospitalité. Moi, 5e, 6e, avec Antoine à l'école. Je m'en fous. Vous étiez avant à l'école. Il fallait prendre ta chambre avant. Maintenant, il est avec moi, donc tu le lâches. On était déjà ensemble avant. Tu suite à la maison. Écoute. Non, mais attends, je m'occupe un peu d'elle. Il et a glissé. De toute façon, on va quand même buter ensemble. C'était une erreur. Il a glissé. Antoine, t'es où? C'est bon. Je suis chez elle, je finis ce que j'ai à faire, puis je viens et on recommence sur des bonnes bases. Mais tu finis pas ce que t'as à faire, tu te ramènes tout de suite. Alison. Mais non, laisse-moi finir ce que j'ai à faire d'abord. Alison. Non, tu finis pas ce que t'as à faire, c'est une blague. Si, toujours finir ce que commencer. Mais en fait, là. Alison, moi t'expliquer. Oh, je vais m'énerver. Nous nous sommes vus la semaine passée. Oh, toi, ta gueule, tu dégages. Tu connais le permafrost de la Russie. Ferme ta sol gueule. Sol très, très dur. Oh là là. Sol très givré, glissade assurée. Quoi, mais c'est bon, laisse là, j'ai fini. Antoine, ramène-toi. Oh. Nous allons venir chez toi, dans la nouvelle maison. Moi, habite avec toi. On est à deux, ça ne dérange pas. Quoi? Alison, moi, très belle femme. Ramène-toi avec elle, maintenant. Nous allons venir. Moi, femme éduquée au plaisir, sexuel et corporel. Moi, pouvoir te soulager. Oh là là, je vais te soulager mon poids dans ta face à toi. Oh, moi, entraîner aux arts martiaux. Antoine, dis-lui. Antoine, tu te ramènes chez moi tout de suite. Mais écoute-moi. Non, j'ai pas écouté, tu viens maintenant. Toi aimer les chiens. Car moi avoir toi petit chien chihuahua. Toi va te faire baiser par un chien. C'est déjà fait. Laisse-moi encore. Oh là là. Antoine. Petit chien très mignon. Allô. Antoine, dis-lui. Oh là là. Allô, Alison. Antoine, dépêche-toi, rentre. Viens chez moi tout de suite. Eh ben alors, je ramènerai dit comme ça, on fait un plan à trois, avant de commencer notre théorie. Moi, partout. D'accord. Oh, tu veux que je fasse un meurtre ou quoi? Possible caché, corps. Possible caché. Oh là là. Non, Antoine, on va venir et t'apprendre plein de choses. Tu prends ta voiture et tu te ramènes à la... Enfin, chez moi, je sais pas, mais réfléchis, on a une maison, on a acheté une maison. Mais justement... Ah, oh, ta gueule, je te parle pas. Antoine, putain. Si toi pas accepté, moi tu es Antoine. Si toi pas accepté... Alors, flingue. Oui, Kalashnikov. Oh là là. Antoine. Kalashnikov sur la petite tête de ton futur mari. Non, mais sérieusement, je savais pas qu'elle était. Je croyais qu'elle faisait des trucs fous au sexe, mais je savais pas qu'elle allait commencer à me sortir un flingue. Et là, je me sens vraiment baisé. Moi, escorte. Arrête tes conneries, Antoine. Moi, escorte, va connaître beaucoup de gens pourtant. Je dois pas accepter moi venir. Laisse Antoine partir. Moi, pas laisser Antoine partir. Moi, garder Antoine rançon. Moi, prendre ta maison. Pas, toi pas pleurer, l'air. Toi forte. Toi pas pleurer. Antoine, ramène-toi. Oh, non. Toi pas rigoler non plus. Sinon, mon pète ta gueule. Tu rigoles en plus? Ok, moi maintenant me déshabiller. Antoine! Moi maintenant déshabiller tout mon corps devant Antoine. Non, Antoine, pas, tu vas passer Aurélie, le test. Ta gueule, si dégage, toi dégage. Bandé devant Antoine, Aurélie. Si toi bandé devant Aurélie, toi mort. Attention. Déboutonne l'uniforme. Pleure pas, Antoine, ramène-toi. Aurélie, ramène-toi. Alison, moi, envoyez les photos d'Antoine. Ferme ta gueule. On va pas parler comme ça. Toi, prendre beaucoup de risques, toi. Des risques? Ben viens devant chez moi avec Antoine. Tu vas voir les risques que tu vas prendre. Moi, venir chez toi dans quelques minutes. Toi, ben, voir maintenant ton email. Brenne-la-le, Fifi. Brûle-le. Antoine, putain. Allô, mais pleure pas, t'inquiète, ça va aller. Je faut rester digne. Ça va aller, tu rigoles ou quoi? Pourquoi pleurer, toi? Antoine, en plus, tu rigoles ou quoi? Attention, si toi pleurer et si Antoine bandait, moi sortir Kalash, moi péter tout, moi, fous attention. Fous la Kalash au cul à toi. Ah, oh. Mais t'es une grosse tarée, ma vieille. T'es une grosse tarée, Toi, parle encore. Toi, parle encore, Antoine. Remets ta petite gueule. Arrête. S'il te plaît. Toi, Aurélie, pas mort alors que moi, non. Vider tout mon chargeur. Ta gueule. Oh là là, mais il est... Voilà, Antoine mort. Antoine mort. Quoi te dire, moi? Je vais te retrouver, espèce de petite pute. Oh. J'en peux plus. Allô, Alison. Alison. Allô. Des joies d'énergie. Oh yeah. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Bah ouais. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Ah, quand j'ai acheté sa papy, elle va être trempée. Allez, bienvenue sur l'énergie. Je sais pas pourquoi je me suis rebatté la vidéo là. Vidéo pour moi de l'année 2018, hein, complètement. Tout le monde, j'imagine, si vous écoutez cette émission, vous connaissez cette histoire de chaise à papy. Si vous connaissez pas, allez voir sur la page VINZ sur Facebook. Je vais la republier, tiens. Juste pour le délire, parce que voilà, pour moi, c'est la vidéo de l'année 2018. Bref, on est en 2019, les amis. C'était le bébé chez les connes à l'instant même. On va passer en mode technique de triche, pas mal pour les étudiants universitaires. Mais n'en abusez pas, bien sûr. Hein. La meilleure technique de triche, c'est tout simplement de pas tricher, en fait. Bon, voilà, j'ai pas envie de faire le vieux moralisateur à deux balles, mais il y a rien de mieux qu'ouvrir son bouquin, étudier, apprendre, comprendre surtout. C'est ça le plus important, parce qu'apprendre, c'est intéressant, mais comprendre, c'est encore mieux. Et c'est ce que je vous propose dans quelques instants. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Et ça, c'est un kiff, ça. J'avais quel âge? Attends, laisse-moi me rappeler. Nelly avec Kelly Rowland Dilemma. Je crois que c'était en 2002, je devais avoir 14 ans, un truc dans le genre. Ah, ça remonte, c'est dingue. Allez, bienvenue sur Energy, let's go. I do. All she just moved right up the block for me. And she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time. I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. No way, hey. Nelly gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Before I turned to leave, she said, you she don't said, know she what said, you mean to me. Come on. Minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. On récupère Stéphanie dans le standard là. Elle attend parce que nous aussi on attend. On veut savoir un petit peu quelles sont les techniques de triche que vous avez fait ou que vous faites encore. Stéphanie, tu as quel âge? Je ne t'ai pas demandé. J'ai 29 ans. Très bien. Donc l'école, c'était il y a longtemps ou il n'y a pas très longtemps? Université, je crois. Oui, il y a 10 ans. D'accord, t'inquiète pas, moi aussi, hein, j'en ai 32. Donc, Stéphanie, comment t'as triché, toi? Raconte-nous tes techniques. Ben, j'avais fait un copion et je l'avais mis dans ma chaussette. Ah, le copion dans la chaussette. La chaussette? Oui. Et quand tu te diriges vers le copion et tout, c'est... Bah, y'a rien. Je veux dire, on voit que tu... on voit rien, puisque j'ai mon pantalon et je mettais ma jambe sur l'autre jambe. Je tirais le copion. Mais pas bête du tout. Et quand le copion arrivait, je redescendais le pantalon, semblant de rien. Attends, j'essaye, je me mets en position, voilà. Mais que ça marche de ouf. Tes bagarres, regarde. Tu moi, c'est impossible, frère. Moi, déjà, je me mets dans l'auditoire sur une chaise, je prends trois places. Ouais, attends, c'est compliqué de croiser les jambes. Mais par exemple, regarde, alors, je croise mes jambes, tu vois. Je vois ma chaussette, elle distingue. J'imagine qu'il y a un bureau. J'ai juste à regarder discrètement, je tire ma chaussette. Et si le prof arrive, hop, je lâche la chaussette. Mais et ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une meuf, je peux dire non, tu peux pas me toucher. Mais c'est vrai, en plus. Un truc de ouf, ça, cette technique. Et Stéphanie, t'as fait ça une fois, deux fois, souvent? Souvent. Je faisais souvent des copions où j'étudiais jamais. Oh, et t'as réussi? J'ai réussi. J'ai été diplômée et tout ça. Et tu travailles dans quoi? Ah, oui. Je suis éducatrice à deux. Bon, voilà, formidable. C'est quoi ça, éducatrice à deux? Alleuse. Ah, alleuse. Ah, je pensais moi aussi, j'avais compris à deux. À deux? Non, non, c'est à deux. C'est A2. Ça veut dire quoi? Ah, A2, la lettre A et le chiffre 2, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Ben, ça veut dire que c'est pour. C'est pas que j'ai pas fait une école en plus, quoi. J'ai le diplôme de base. Ah, oui, bon, le diplôme A2. Ah, oui, voilà, d'accord. Okay. Ah, comme ça, elles sont plus précises, elles sont aussi intelligentes que tes copions, toi. Ouais, et ça aurait été ouf qu'elles nous disent, j'ai triché. Et au final, je suis au chômage. Oh, ça aurait été drôle. Stéphanie, en tout cas, merci pour cette technique. Voilà. Technique validée par Team Nigel. Hein, ouais. Team Nigel, oui. Voilà, parce que Nigel a ses examens. Il commence quand tes examens, Nigel? T'es encore étudiant. Tu as commencé, frère. Mais non, t'as des oraux, mais les écrits. Mais les écrits, là, il y a les écrits de langue qui arrivent, là, semaine prochaine. Ouais, ouais. Et puis après, je commence le 7 janvier, ouais. Jusqu'au 22. Donc, mais ça va, en plus, on est en semi-vacances. C'est quand les vacances? C'est là, le 21, là. Enfin, c'est là, le 21, on a le temps d'ici le 21. Il reste qu'un jour. Vite le 21. Voilà, donc le 21, il dit vite. Le mec, il dit vivement le 21, il va étudier, tu vois. Ouais, mais c'est juste pour ça. Hein. Le jour de Noël, on va t'envoyer. Et je précise qu'il commence ses examens le jour où on a notre rentrée, tu vois. Ça va être super, ça. Oh my god, tu vas morfler. Je morfler, vous n'allez pas me voir. Ouais. Bah, prends des techniques maintenant, tiens. Ouais, ouais, c'est la vie. En plus, contrôler un auditoire de 800 personnes, c'est chaud quand même. Ah, c'est 800 personnes. Hey, quand tu montes, il n'y a plus 800 personnes. Hein. Ah non, c'est vrai. C'est en première, ça. En première, il y a 800 personnes, mais après, ça double et ça rate et ça arrête. Après, t'as 3 personnes. C'est vrai. D'accord, ok. Oh my God. On fait un bisou à Stéphanie quand tu veux dans l'émission. Merci, ma chérie. Ouais, bisous, merci. Ouais. Merci pour ta réaction. Bisous à toi. Valentin, là, qu'on récupère. Valentin de Lille, en France, nord de la France. Valentin, c'était quoi ta technique, mon pote, pour tricher? Dis-nous tout. Alors moi, ma technique, il faut être bon, les gars, parce que sinon, si vous faites cramer, vous êtes mort. C'est changer l'étiquette d'une célèbre marque d'eau et mettre, en fait, sur cette étiquette. Donc là, c'était pour le bac physique-chimie. Et tout simplement, avec quelques potes, et ben on s'est mis tout simplement le tableau périodique des éléments, le célèbre. Ah oui, de Mendeleïev. Mais bon, est-ce que t'as le droit d'avoir une bouteille d'eau sur ton bureau? Ouais. Alors, on avait le droit à la bouteille d'eau. Ah, mon et à quelques stylos, parce qu'exceptionnellement, cette année-là, il faisait hyper chaud. Et du coup, bah voilà, quoi, c'est passé crème. Mais c'est génial. Ouais, c'est génial. Le problème, c'est que maintenant, voilà, c'est ça le maintenant, problème. Maintenant, on refuse tout maintenant. Nous, quand on allait à l'école, il n'y avait pas Facebook, machin, pour mettre. Ouais, les techniques de copion, et t'as tous les techniques avec le Tipex. Non, mais ça existe pas. On s'envoyait des PowerPoint. Ouais, non, mais nous, genre, on dit pas, ouais, des techniques de copion. En fait, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut s'envoyer des synthèses. Donc, ouais, ouais. T'as des synthèses, t'as des groupes Facebook de l'école et tu t'envoies des synthèses. Donc maintenant, moi, je suis en galère. J'ai pas de synthèse pour mon cours de psychologie. C'est pas de ça dont je parlais. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste que nous, c'est ça les filons. C'est pas en mode ouais pour tricher les gars, on fait comme ça. Parce que si on dit mais ça, il y a les profs c'est sur pas les ça, groupes. C'est par exemple, lui, il parle des étiquettes qu'on met sur les bouteilles. Voilà, lui, en fait, il a imprimé une nouvelle étiquette. Le problème, c'est que c'est mort. Tous les profs, ils savent ça. C'est vrai que c'est le truc de base, quoi, tu vois. C'est genre réécrire sur ton Tipex. Il y a des profs, tu sais très bien que tu peux le faire avec eux. Je te jure, ils regardent pas. Ils captent pas. Ils ont pas internet, ils ont rien. Alors tu sais très bien que tu peux le faire. Il y en a d'autres, par contre, ils sont très intelligents. Ouais. Ils ont fait les coups avant et ils sont bien au courant. Ils disent rien sur la table. Et qui écrit encore sur sa main? Moi, j'ai fait l'année dernière. Ah bon? Vrai? Tu dis ça maintenant? Attends. Mais je m'en bats les couilles. Mais ils peuvent rien me dire. Ils savent pas de quand j'ai fait ça. Là, je faisais en cours quand il y avait juste un bête cours. Non, mais genre en fait le truc c'est que je me suis fait baiser. Bon après je connaissais le cours, mais j'écris sur ma main. Et avec la transpiration de ma main, c'est parti. Tout a coulé. Du coup, je me suis senti mal, mais ça va, j'ai réussi, donc tranquille. Tout a coulé. Ouais, voilà. Ça sert à rien d'écrire sur le corps. Non, mais j'adore, parce qu'un jour, j'ai trollé ma prof de maths en troisième secondaire. J'avais écrit « Je triche pas, vous croyez quoi ?» J'ai écrit ça sur ma main, et en fait, c'était pour... parce que je trichais d'une autre manière. Et donc, je faisais semblant que je regardais ma main. Ça, c'était ma technique. C'est-à-dire que je captais de l'attention du prof, mais ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que je faisais genre... Je regarde à gauche, alors qu'en fait, je regardais à droite, mais je regardais beaucoup à gauche dans ma main gauche, tu vois. Et à un moment donné, la prof, elle vient, montre-moi ta main. Et puis, je fais, mais non, madame, non, s'il vous plaît, montre-moi ta main, je te dis. Je lui montre la main, juste à elle, pas, les autres savaient pas. C'est pas bien. Et il était écrit, donc, du coup, il était écrit, je triche pas, vous croyez quoi? Elle me regarde, elle sourit, genre, ah, tu m'as bien eu. Mais en fait, du coup, elle me laisse tomber, tu vois. Du coup, tu triches derrière, c'est une blague. Mais alors, du coup, je triche avec l'autre main. Oh, tu surveilles pas? Non, elle surveillait plus parce qu'elle s'est dit, ah, en fait, il a voulu faire une petite blague, le petit coquin, etc. Et bien. Alors, c'était bon. Et sinon, j'ai fait une autre technique, mais celle-là, c'était en auditoire dans ton école, Nigel, il y a 10 ans, bien sûr, dans le passé. Pour dire mon école avant l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Et là, c'était pratique. Avant, j'avais les longs cheveux. D'ailleurs, Lara, tu m'envoies une photo. Tu m'as renvoyé une photo sur WhatsApp où j'avais une crinière de lion avant. J'avais la coupe afro. C'était abusé. Toi, t'étais le mec chiant au cinéma. J'en disais, frère, descends. Ouais. Non, mais ça va, j'y allais natter. Rien, il y a la photo qui est là. Eh, hey, les gars, Thibaut, voilà. Eddy, regardez ça. Donc du coup voilà, ça c'est ma tête. Je vais essayer de vous trouver une photo. De toute façon, vous allez sur la page VNZ ou même sur mon Instagram, vous allez trouver ça. J'avais vraiment une grosse afro. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, je faisais exprès de plaquer mes cheveux, mais que mes cheveux en fait passent au-dessus de mes oreilles. J'avais un oreiller Bluetooth. Oh non. Et j'avais quelqu'un à l'extérieur qui avait passé l'examen avant et du coup qui me balançait toutes les réponses et moi je disais exactement ouais, la question par rapport à la révolution industrielle, s'il te plaît. Et le mec il lisait le cours et tac tac tac. Jusqu'au moment où ils ont coupé les réseaux. Non, mais là on est mort. Et en fait, maintenant ils ont mis des bandes qui coupent le réseau. T'as plus de réseau quand t'es dans l'auditoire, t'as plus de réseau de téléphone, c'est pour éviter que les téléphones sonnent. Et à ce moment-là, cette tricherie est tombée à l'eau. Ouais, je l'ai faite, celle-là, laisse tomber. Tu sais qu'une fois je voulais le faire ça. Ouais. Parce que maintenant il y a des AirPods. Sauf ah ouais, c'est trop cramé. Ah ouais, c'est flag. C'est trop cramé. T'as tes cheveux courts. Mais quand t'es neuf, c'est ah les longs cheveux, bam. C'est une technique. Hein. Effectivement, et on a toujours d'autres personnes qui vont donner leur technique. Là, salut à Gamzou là, qui est là. Pierre André, salut l'équipe. La dernière fois que j'ai triché, examen de repêchage et il advient que le surveillant part du local. Non, on copie tous les uns sur les autres. Résultat, tout le monde réussit sauf moi. Grosse galère, impossible de porter réclamation. Sinon, tous les autres, sinon tous les autres ratés aussi. Donc j'ai doublé, tout seul comme un con. Ah ouais. Donc en fait il est resté en mode honnête jusqu'au bout pour la team, sinon tout le monde ratait, donc il s'est sacrifié. Oh, le sacrifice. Non mais par contre tu vois, ça les mecs comme ça, avant tu vois t'étais là en mode ouais je me sacrifie pour les autres et tout, mais juste pense, est-ce que les autres se sacrifient pour toi? Mais non, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il a raté, il va pas dire ouais j'ai raté parce que les autres ont triché. Mais il y a des gens qui font ça, peut rien dire. Qui font quoi, c'est-à-dire genre t'es en train de tricher avec eux, ouais, ils se font gauler et après ils disent ah mais putain mais lui aussi il triche avec moi. Oh non mais ça c'est dégueulasse, ça, les gens comme ça. Ah c'est déjà parti en baston. Non mais ce genre de truc là, les snitch, les balances. Ah snitch, snitch life. Les scum comme on dit. Scum police. Alors salut toute l'équipe, je voulais vous présenter le clip de mon ami qui vaut vraiment le détour, ce serait possible de savoir ce que les auditeurs en pensent. Ok, je garde le lien, je vais voir si je peux faire ça tout à l'heure. Sans souci, là, Isor, là, qui est Vince, je suis trop contente. Plus beau jour de ma vie, je suis en couple avec mon crush depuis hier. Ah ben, t'es sorti la friend zone. Bravo. Bravo, Isor, félicitations, c'est magique. Ma sœur Émilie ne croit pas que tu lis, prouve-lui. Eh ben, voilà, je lui ai prouvé. Prouve-le-lui, hein, Thomas. Bisous à Thomas là, qui vient d'envoyer ce message. Et Émilie, oui, bien sûr, on lit les messages en direct. Hein, 0492 222 002 sur WhatsApp. Hein, 0492 222 002, tout simplement, là. En purée, il y a carrément quelqu'un qui. Eh, regardez le système de tricheur, là, regardez-moi ça, là. Alors, attends. Alors. Système audio vidéo GSM pentru copiat. On m'a envoyé une photo. En fait, de tout un système où tu peux en fait avoir une transmission genre immédiate entre toi et quelqu'un. Donc en gros, t'as ton micro qui est dissimulé, ouais, et t'as quelqu'un qui te parle avec un ordinateur de l'autre côté et mais qui t'envoie toutes les infos. Mais c'est vrai, en fait. Et c'est achetable sur le net. Hein. Mais est-ce que c'est avec des ondes parce que tu as dit que c'était brouillé les ondes, donc est-ce que ça marche? Ça fonctionne avec les ondes GSM. Il y a des petites. Ah ben voilà, donc c'est brouillé. Bah, il y a des écoles où c'est brouillé, mais en école secondaire, c'est pas brouillé. Ouais, hein. En école secondaire, t'as des fenêtres partout. Oui. Voilà, c'est impossible de brouiller. Par contre, un auditoire qui est vachement fermé, là, ouais, là, c'est possible. Même si qu'un auditoire, dès que t'as beaucoup de téléphones qui sont allumés, ça commence à saturer. Hein. Ouais, mais complètement. Déjà, ouais. Donc. Voilà, en tout cas. Ok, hein, excusez-moi. Écoute, hein. Valentin, mon pote, t'es toujours là, Valentin? Oui, je suis toujours là, toujours dans la maison. Voilà. Zan, Valentin, avec sa fameuse technique de la bouteille d'eau, toi. Est-ce que t'as essayé d'autres trucs pour la triche un petit peu? J'ai essayé pas mal de trucs à un moment où on devait mettre, tu sais, le smoking avec cravate. Ouais. Bah, à l'arrière de la cravate, les gars. Pas bête non plus. Eh, mais attends, mais franchement. C'est intelligent, lui. Le mec, il a des idées de ouf, hein. L'arrière de la cravate, c'est pas bête. T'as quoi, t'as un master en tricherie ou quoi? Mec, tu retournes. Master en cravate. Vince, est-ce que t'as déjà pensé à Blacklight? Oh purée. Qu'est-ce que c'est? Oh, y a ah ouais. Oh là là. Alors franchement, en plus je suis étonné, c'est une meuf qui m'a écrit ça. Alors, c'est genre les meufs non mais pas du tout, les meufs avoir de très bonnes idées, mais Jennifer m'a écrit la black light c'est et quoi? C'est vrai que c'est pas bête, la black light c'est la lumière noire. Vous savez, c'est des sortes de c'est une lumière bleue en fait, que lorsque tu l'appliques au-dessus de quelque chose, elle révèle un texte qui est écrit en blanc. Mais donc imagine, tu écris blanc sur blanc. Oh, mais après, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir tout simplement une petite lampe comme ça en main et tu passes au-dessus, puis tu peux lire tes réponses et dès que le prof passe, il peut plus lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va encore approfondir le truc avec Rocco dans quelques instants. On se remercie, Valentin, quand tu veux, hein. Y a pas de souci. Alors, ouais. Bisous, au revoir, Valentin. Au revoir, on arrive tout de suite sur l'énergie, bougez pas. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Vince, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite, sans abonnement, en illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Avec plus de 15 radios de hits thématiques et des lives exclusifs de vos stars musicales préférées, enregistrés dans le studio d'Énergie. L'appli Énergie Belgique est disponible gratuitement sur tous les stores. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing.

viens rentrer dans la légende. Ah, c'est yes, zoom, zoom, zoom. Méchant comme Marseille ou Chicago, platin ou plomo. Tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flic dans la wagon. Bye bye, chiant, fita, fixo, bras-toi, t'es dans l'ombre. La cité, la cité. Chiant, car les flicots pas on a dit mon nom. La cité, la cité. Toto, Rina, c'est pequeño. Au Brasil. Fodes, carré, pobre, chico. Cocaïna. Ah, jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais. Diego dans la bombonera, comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la légende. Bienvenue sur Energy, Vince dans la maison. J'espère que ça se passe bien, tout le monde. DJ Snake, ça arrive. Panic à deux disco. Les techniques d'Autriche, la deuxième partie arrive juste après là. Le check pas ton messenger. Hey, vous allez kiffer ce moment. C'est Brian qui envoie une photo de lui. Bon, on va dire un peu à poil. Hein. Enfin, c'est pas ce qu'on conseille dans cette émission quand on demande aux auditeurs de faire la blague à leurs petits copains, petites copines. C'est pas d'envoyer des photos à poil. On est un peu contre les nudes, hein, parce que ça peut se retourner contre vous un jour. Bon, j'ai pas envie de faire le vieux papy, le vieux réac et tout, mais on demande surtout d'être un peu dénudé et de faire genre qu'on envoie la photo à son ex-copain. Sauf qu'on l'envoie à sa copine, on l'appelle en direct et on lui dit à son copain ou sa copine: bon, attention, check pas ton Snap, check pas ton Messenger, check pas ton Insta, je me suis trompé. 99% du temps, les gens vont checker. Et ça arrive dans quelques instants, ça va être explosif, soyez-en sûrs. Kiff ta copine, on va commencer avec ça après Soprano, là, comme promis. Ça s'appelle le Kiff ta copine, Logan qui appelle Jason. Allez, c'est parti, let's go, on y va. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Allez, c'est parti, tout de suite. Qui, je kiffe ta copine, le kiffe ta copine, Logan qui appelle Jason, on appelle en direct. À l'instant même, pile poil. Allez, on est sur le Jason. Allez, allez. Ouais, allô? Yes. Ouais, Jason? Ouais. Ouais, salut, c'est Logan, ça va? Eh, hey, comment ça va, Logan? Ça va, ça va. Je vais m'isoler un petit peu là parce que là, il y a du monde. Attends, je suis parti dans le couloir là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ouais, nickel toi. Ben ça va, ça va. En fait, je t'appelle pour voir un petit peu avec Émilie si genre tout va bien entre vous. Émilie, ma copine? Ouais, ta copine, ouais. Ouais, bah ouais. Bah t'es sûr? Parce que genre elle me dit que ça va pas trop entre vous là. Bah si, pourquoi? Elle t'a dit un truc ou quoi? Bah moi le mariage... Bah ouais, elle t'a appelé, moi elle m'a rien dit moi. Mais on s'est vu un peu ce soir là, tu vois, elle m'a dit que ça allait pas trop entre vous. Tu l'as vu ce soir? Bah c'est... Émilie, elle est malade, elle est à la maison. Ben non, elle est chez moi. Elle est à Montcotte. Émilie, elle est chez toi? Ouais, elle est à Montcotte, là. Et n'importe quoi, je suis parti, elle devait venir avec moi, elle m'a dit qu'elle était malade, elle est à la maison. Bah non, elle est venue me voir un petit peu, mais elle m'a parlé de vos problèmes, elle m'a dit qu'entre vous, ça va pas. Attends, elle est à côté de toi, elle est malade ou elle est pas malade, là? Bah, elle est pas trop malade, non, enfin, c'était une excuse, elle voulait pas trop te voir, je pense. Elle voulait plus passer du temps avec moi, tu vois. Et pourquoi elle m'en a pas parlé? Attends, c'est quoi le délire? Moi, je pige pas. C'est quoi le souci? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Il y a un truc qui va pas avec elle ou avec moi? C'est un truc que j'ai fait? Bah ouais, enfin, genre, je sais pas, t'es trop distant avec elle et tout, et ben, on s'est fort rapprochés, elle et moi, tu vois. Attends, il est tout trop distant, mais n'importe quoi. Elle t'a raconté n'importe quoi, là. Elle est à côté de toi. Bah, elle est en train de se laver, ouais. Quoi, elle est en train de se laver? Bah ouais, elle est à mon côté, mais elle est en train de se laver, là, maintenant. Donc, je sais pas te la passer. Et pourquoi elle sort chez toi? Bah parce que je te dis, on s'est un peu rapprochés et tout, et... Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bah voilà, genre, on s'est un peu rapprochés, elle et moi, tu vois, et bah comme ça va plus souvent, tu vois... Quoi, vous êtes rapprochés, c'est quoi le délire, qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes conneries, n'importe quoi. Va la chercher, passe à moi. Bah là, elle est sous la douche, je sais pas te la passer. Mais putain, c'est pas possible, ça, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi le délire, d'où tu parles que tu t'es rapproché? C'est quoi le délire, là, il t'arrive quoi? Ben écoute, ça va plus entre vous, enfin voilà, elle s'est confiée à moi et... Mais n'importe quoi, voilà. Vas-y, ferme ta gueule, ça va plus entre nous, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est des conneries tout ça. Ah, va la chercher, appelle-la, dis qu'elle sort, appelle-la. Ben elle est à poil là, hein. Putain, mais j'en ai rien à foutre qu'elle a poil, Logan, allez, arrête de me casser les couilles sans décoller, putain, je vais débarquer sans décoller. Va la chercher, je te dis, c'est des conneries ça. Va la chercher, tout le temps, qu'elle raconte n'importe quoi là, vas-y, toi aussi. Qu'est-ce que tu parles que t'es... Tu te rapproches d'elle, tu te fous de qui là? T'es sérieux quoi là? Attends, t'es en train de parler de ma meuf et tout, et là tu me sors tout va mal entre nous, nanana, je sais pas quoi, que elle m'en parle pas et toi tu te rapproches, c'est quoi ce délire là? Tu te fous de qui? T'es sérieux? Tu me fais un plan dans le dos comme ça ou quoi? Ben non, mais selon ce qu'elle me dit, vous êtes plus trop en couple quoi, enfin. Genre elle m'en parle. Plus trop en couple, mais arrête tes conneries, vas-y, ferme ta gueule, arrête tes conneries putain, vas-y, voilà, c'est sans décoller, dis qu'elle sort, vas-y, dis qu'elle sort. Je te jure, là, vous partez dans un délire, mais c'est incroyable, on va, je sais pas où on va, là. Arrête des conneries, là, putain, ça me gave. Va la chercher, vas-y, sérieux, va la chercher. Mais là, elle est en train de se laver, enfin, allô, c'est se laver, mais tu sais qu'elle m'a dû envoyer genre des nudes et tout. C'est pas vrai, putain, sans déconner. Et, honnêtement, Logan, il faut que tu fermes, sérieusement, ferme ta gueule, je te jure, je vais te défoncer, je te jure. Tu peux venir, mais elle est avec moi, quoi, tu vois, genre... Arrête tes conneries, arrête de squatter avec elle, putain. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait chez toi? Elle a rien à foutre chez toi, putain de bordel de merde. Elle me dit qu'elle est malade, et là tu me dis, normal, elle est pas, elle squatte à la maison, la meuf, elle a walpé chez toi. Putain, mais vous êtes sérieux quoi? Vous êtes malade, vous êtes des gros pédés, putain. Et elle, c'est une grosse pute ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi tout? Elle a plus de sentiments pour moi ou quoi là? Elle fait quoi alors? Pourquoi elle m'en a pas parlé à moi? Toi, elle te parle à toi, là, c'est quoi le délire à la con? C'est ta faute à toi, c'est ta faute à toi. Mais quoi, mais ferme ta gueule, c'est pas ma faute à moi, arrête, t'en sais rien, c'est pas là, vas-y, la ramène pas, tu commences à me casser les couilles, arrête de dire que c'est moi, commence pas, je sais pas ce qui se passe, c'est pas là, elle arrive, elle te raconte je sais pas quoi, là, c'est pas toi, alors arrête, commence pas. Bah écoute, ça fait quelques semaines là qu'elle se confie à moi, on se rapproche de plus en plus, au début tu vois c'était amical tout ça, et au final, bah je crois que ça se rapproche de plus en plus, genre, on commence à attraper des sentiments les uns les autres, tu vois. Putain, sans déconner, je vais débarquer. Mais non, tranquille, là, on est ensemble, on est. Je vais venir, c'est pas la peine, toujours, je viens, j'en ai rien à foutre, je viens, on va régler ça parce que là, je sais pas, c'est qu'on va délire à la con, ni à toi, ni à elle, non. Frère, putain, ta PlayStation, je pensais pas la démarrer, comment ça se fait? Bah, ça va pas, mais t'inquiète, on va regarder après. Genre, je termine le téléphone là et on regarde à la pièce, tu veux. Bah, vas-y, mais. T'es où, là? Allô? Parce que là. Ouais. Je te connais, Alès, vas-y. Logan, c'est qui, là? T'es où? Branche-moi la PlayStation, qui, parce que je te connais, tu vas retourner à baiser. Ouais, le truc. Tiens, Jason. C'est qui, lui? Bah, c'est mon pote, on est à plusieurs là, on fait une petite soirée tranquille entre potes. J'ai envie de jouer à FIFA là, putain, viens. Sans déconner, tu te fous de ma gueule, gars, tu te fous de ma gueule. Attends, elle devait venir à une soirée avec moi, chez moi, dans la famille, et là tu me dis que t'es en train de taper une soirée avec ma meuf. Allez, vas-y, putain, broche la console et tout, ça saoule là, vas-y, laisse-le lui. Mais ferme ta gueule, tu qui fermes ta gueule, lui, je vais te défoncer, lui qui ferme ta gueule, vas-y, c'est bon. Après, Émilie, je te dis, vas-y, va chercher Émilie. Eh, sans déconner. Eh, Logan, c'est qui le gars? Je m'en fous, c'est pas la peine, je viens. En gros, c'est l'ex de ma copine, tu vois. Ah putain, c'est l'ex de la meuf que tu viens de ken. arrête de parler, putain, il me casse les couilles, non, oh, arrête de parler, c'est bon. Arrête de taper conversation avec ce gars, tu me casses les couilles. Putain, mais en fait, c'est le bolos dont t'as baisé la meuf, là, il y a 10 minutes. Ouais, mais il t'entend, là. Je vais le défoncer. Il m'entend pas, là. Logan, c'est parti. Logan, tu parles. Ouais, Jason, t'inquiète, tranquille. Oui. Mais il y a pas, t'inquiète, putain, c'est qui, là, c'est le cas ou quoi, là. Va chercher Emily, je te dis, grouille. Vas-y, passe là. Eh, mais il est en train de gueuler. Attends, est-ce qu'il a compris qu'elle est sous la douche parce que tu la kennes ou pas? Non, elle sait qu'elle est sous la douche, mais elle sait pas que j'accueille. Vas-y, j'arrive, c'est bon, non, ferme vos petites gueules de pété, là, je m'en fous, j'arrive, honnêtement, vas-y, je viens. En plus, elle voulait que je la prenne aussi, mais bon, moi, voilà, moi, je suis casé. Vas-y, ferme ta gueule, parle pas, je vais t'en couler une, parle pas. Eh, il fait le malin, attends, passe-le-moi, lui. Ouais, attends, vas-y, je te le passe. Vas-y. Allô? Qu'est-ce que tu veux? T'es qui, toi? Tu fais trop le show, toi, en fait, hein. Eh, mais toi, sans déconner, je te jure, t'es chez Logan, t'es qui, toi? Moi, je suis chez Logan, moi je m'appelle Vincent, voilà, et c'est tout. Ouais, hein. Vincent, bouge pas, j'arrive, Vincent, je prends la voiture. Mais tu vas faire quoi? Moi j'ai rien fait, dans cette histoire, moi je suis juste là. Mais qu'est-ce que tu parles de ma meuf? Toi, tu connais ma meuf, toi, t'es bah, qui? Moi je parle pas, moi je suis juste témoin, il y a Logan, c'est pas ta meuf à toi, arrête des couilles, c'est pas ta meuf à toi, c'est la meuf à Logan. Mais bien sûr que si, c'est ma meuf, arrête des craques, tu la connais même pas, vas-y, je sais même pas pourquoi je parle avec toi, vas-y, passe-moi Logan, dégage. Bah, le truc, c'est que si c'est ta meuf, alors faut te poser des questions, frère, parce que voilà, ça a pas l'air d'être vraiment ta meuf, tu vois ce que je veux dire. Elle a l'air de plus kiffer Logan. En plus, Logan, vas-y, je te le repasse. Hein, putain, en plus, là, tout à l'heure, quand vous avez Ken avec sa meuf, là, putain, vous avez fait du bruit et tout. Oui. Je vais le défoncer. Logan, ouais. De toute façon, tranquille, tracasse. Ouais. T'es chez toi, j'arrive, là. Je descends, j'arrive. Mais ça sert à rien, on est entre potes là, on va même pas. Montage, arrête de me parler, c'est bon, j'arrive, je te dis, je prends les clés, c'est bon, je me casse. Toujours, t'as tout foutu en l'air ou quoi, putain, tu m'as fait un coup de pute comme ça, c'est bon, t'inquiète pas, j'arrive. C'est toi-même qui as brisé ton couple, j'en peux rien, ça a des sentiments. Mais arrête de parler, ça, putain, sans déconner, tu te casses les couilles. Elle vient de sortir de la douche là. Attends, mais Jason, il a sorti de la douche là, si tu veux. C'est qui le gros PD qui rigole derrière là? Bah, c'est Emily là qui rigole, hein. Putain, vas-y, passe à moi. Non, je vais pas lui parler. Emily, c'est ton mec au téléphone, tu te le passes? Je vais plus lui parler à lui. Prends le téléphone, putain! Je vais pas lui parler. Tu veux pas lui parler? Non. Et vas-y, je te jure, sans déconner, et là, putain, elle est carrément folle. Je veux pas lui parler. Je vais lui aussi. Mais pourquoi elle veut pas me parler? Qu'est-ce qu'elle est sérieuse ou quoi? Il y a un truc qui va pas, elle veut pas en parler, elle suit quoi elle? Mais gros, je t'ai expliqué, c'est fini entre vous. Je pense que maintenant, il arrête tes conneries, ferme ta gueule, Logan, arrête, vas-y, passe à moi, vas-y, oublie, passe à moi, je te dis. Elle veut pas te parler, gros, elle veut pas. Et je m'en fous qu'elle veut pas parler, tu me la passes, gros, toi, putain. Oh, il me dit chaud. Elle a dit que je baisais mieux que toi. Ah ouais, vas-y, c'est bon, j'arrive. Laisse tomber, vas-y, c'est bon. Bah, allez, écoute, c'est bon, casse-toi. Ferme ta gueule, c'est bon, j'arrive, je viens. On est entre potes, là, on fait soir entre potes, on n'a pas besoin de tuer. Je m'entends, je vais la niquer ta soir entre potes. Sans déconner, je te jure, j'arrive. Vas-y. Ben, c'est ta copine que je vais niquer, là. Vas-y, je m'entends, je te jure, j'arrive. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Mais non, mais l'autre, regarde encore la putain. Non, mais sur bien, avec tes petits coups de pute et tout, c'est pas la peine. C'est bon, je prends la route, sans déconner, regarde, laisse-moi le temps de faire la route, je te jure, je suis en passé toi, t'as intérêt à ouvrir. Encore une fois, avant que je vienne. Arrête de gueuler, prends le téléphone et viens me parler, putain, tu me casses tes couilles. Elle veut pas te parler, gros, c'est fini, ça. Tu dois comprendre maintenant. Mais non, arrête tes conneries, putain, mais vous me cassez tous les couilles sans déconner. Je vais me demander si vous faites pas exprès ou quoi, allez tous faire, vous êtes des gros connards. T'as l'enculé, donc franchement, t'as un gros enculé. Un enculé, ouais, je vais être un nana. Vas-y, ferme ta gueule. Et tu vois, putain, qu'elle ferme sa gueule, te gueuler derrière, qu'elle prend le téléphone, elle me casse les couilles, putain. Émilie, habite-toi un peu quand même, il y a des potes qui sont là, quoi. Ah non, nous on s'en balaye, nous on s'en fout, on joue à la combat PS là. Putain, non, sans déconner, gros, je vais péter les plans. Allume ton wifi, j'ai envie de jouer Ultimate Team. Non, mais dis qu'il ferme sa gueule, mais son wifi à la con, ferme ta gueule, vas-y, oublie-moi, pars-toi, putain, ferme ta gueule, oublie. Avec moi. Mais bah, toi, vas-y, prends-lui directement le téléphone et dis-lui la vérité, toi. Non. Ouais, bah, c'est la grande ou quoi? Prends le téléphone, Emily, putain, tu me câbles, sérieusement, prends le téléphone, vas-y. Allô? Ouais. Ouais. Et bah, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il te prend, putain, tu dis à Logan, ça va pas ou quoi? Quoi, d'où, quoi, qu'est, quoi? T'es qui toi? T'es pas Emily, c'est qui toi? Quoi? Moi, je suis pas Émilie. Non, t'es pas Émilie, t'es qui, toi? Quand t'es qui? Pas elle, c'est elle, c'est pas qui t'es connu. T'es qui? Je suis un pote à Émilie. On est deux, c'est tout. On est deux, on s'est fait quatre par deux gars. Toi, t'es pas Émilie. Ferme ta gueule, sans déconner, ferme ta gueule, parce qu'on est Émilie. Non, ça passe pas. Elle veut plus te parler. Mais je m'en tape, qu'elle veut plus te parler. Je te passe, Vincent. Je veux une explication, je m'en tape. Vas-y, Logan, prends-la, vas-y, ça me garde. Ouais, prends-nous. Prends-nous, Logan. Allez, ben j'arrive. Je te passe Émilie. Ouais. Passe-moi Émilie, grouille-toi. Passe-moi Émilie, vas-y, je suis sérieux, sans déconner. Ouais, Jason. Eh, hey, sans déconner, vous êtes tout grave, putain, allez. Non, allez, c'est bon. Notre copine. Ça peut aussi Émilie. Vas-y, vas-y, hey, mais Jason, ma mère m'appelle Émilie. Je t'en demande Émilie, vas-y, arrête de conneries. Hey, Jason, sur ma carte d'identité, Émilie, la vie de ma mère. Ouais, ouais, ouais, déjà, je dis pas la vie de ma mère, donc on le voit, car toi. Passe-moi Logan, dis-toi, passe-moi Logan. Je suis Logan. Je t'envoie ma carte d'identité sur FaceTime, je m'appelle Émilie, wesh. Je m'en tape que tu t'appelles Émilie, je m'en bats les couilles. Passe-lui Logan. Moi, je peux parler à Émilie avec qui sort ma copine à moi, j'en ai rien à foutre. Eh, vas-y, tiens, attends, je te donne l'autre Émilie encore. Allô? Allô? Allô? Allô? Jason? C'est Émilie? Vas-y, parle-moi! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton gamin, c'est ton gamin, j'arrive. Je m'appelle Émilie, j'ai des horaires et tout, j'ai ma bérette aujourd'hui. Ouais, rigole, t'as raison, rigole, vas-y. Jason, arrête de t'énerver comme ça, bon sang. Ouais, t'as raison. Ouais, fais le malin, Oh, la dernière fois, tu m'as pris, j'ai pris cher. Oh. D'ailleurs, promets ton pont, s'il te plaît, dans la boire. Allô, Jason. Ferme ta gueule, vas-y, ferme ta gueule, arrête de t'énerver. Jason, en fait, je vais te dire un truc. T'es sur énergie. Ferme ta gueule, passe-moi Logan, vas-y, grosso. Jason, t'es sur énergie. Ah, mais Jason. Mec. Jason. Logan, passe-moi Logan, arrête de me parler. Tiens, vas-y, Logan, dis-lui, il comprend plus rien. Je suis là, Jason. C'est une blague, t'es sur énergie, mec. Mais ouais, je suis Allô, bonsoir Jason. Jason, mais je m'appelle Vince, ouais. T'es sur énergie, la radio, on t'a fait une blague. Y'a ta meuf, elle est pas avec nous. Logan, il t'a fait croire, c'est le kiff ta copine. Et c'était une blague. Y'a rien de vrai. On est à Bruxelles. Non, c'est pas vrai, Jason. Genre, moi, je suis vraiment dans mon code. Ta copine, elle est vraiment malade. T'inquiète, tracasse. Y'a rien de vrai. T'inquiète pas. On a perdu Jason. Non, enculé, sans déconner, t'as un enculé. J'ai déjà Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Tienes un besito o un aquí. Puya flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la disco está Jenny, llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh, oh. I am music, I flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch. so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bon, c'est le blocus pour toi. Tu commences tes examens de, d'école supérieure, université, là. Ça commence le lundi 7, hein, pour pas mal. En même temps que nous, quand on revient en direct avec toute l'équipe. Ça va être sympa. Allez, bonne fête tout le monde. La suite des techniques de triche, c'est maintenant. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. Vous êtes super nombreux là, à nous envoyer des messages. Notamment quelqu'un qui a dit: oh Vince, passe un coco à l'équipe, sinon pour une technique de triche, achète un bracelet en tissu avec le côté intérieur en blanc et tu notes ce que tu ne sais pas dessus, que tu ne connais pas. Voilà. Je fais ça pour les formules en contrôle de chimie et c'est passé. J'adore parce que des professeurs qui nous écoutent, on est en train de leur donner aussi des indices. C'est ça que je dis. Ah, j'ai aussi un autre truc pour les profs qui nous écoutent. Ah ouais, quoi ça? J'avais un prof qui faisait un truc génial pour connaître les tricheurs. Dans le moment le plus silencieux de ton examen, ouais, quand tout le monde était dans l'amphi et tout machin, ou dans la classe, mm-hmm, elle était comme ça, en train de regarder son livre et tout, tranquille, la tête baissée, et puis en un coup elle faisait: tu triches! Celui qui devenait tout rouge, il y en avait deux, trois qui devenaient tout rouge, toi, zéro, toi, zéro, toi, zéro, merci. Non, dit, sérieusement, je me basais sur les gens qui venaient rouges. Mais frère, moi. Bah attends, mais tu parles, tu dis Thibaut, salut Thibaut, t'es beau gosse, il devient rouge. Tu dis à quelqu'un, donc, tu triches, tu deviens rouge. Bah non, ouais. non, ceux qui devenaient rouges, toujours, elles prenaient la feuille. Attends, mais moi, parfois, quand un prof m'accuse de tricherie alors que j'ai pas triché, je me sens, j'ai l'impression de me sentir coupable, tu vois. Mais je sais pas, en tout cas, c'est ce qu'elle faisait. Elle disait, je prêche toujours le faux pour savoir le vrai. Quel connard, ouais, c'est. Non, mais une vraie con. Ouais, vraiment. Ah, j'espère qu'elle fera un accident de voiture. Non, pas déconner. Oh, non, mais non. Non, un accident de voiture. Non, c'est pas bien. Un accident d'avion, quand même. Non, juste un peu de crever comme moi, tu vois. Parce que c'est le moment où tu vois les gars qui sont là en train de remettre leur copion, je sais pas, tu vois. Donc tu vois qui le fait, quoi. Les amis, on parle de tricherie. Ce soir, là, sur Énergie, on a encore pas mal de commentaires par rapport à ça, mais je suis curieux parce que Eddy, je suis sûr qu'il a des techniques de ouf là. Eddy, c'est un tricheur hors pair, il nous l'a dit là. Explique-nous un peu, Eddy. Alors, j'avais une technique qui était phénoménale, qui était incroyable, mais c'est très risqué. Attends, je vais mettre une musique incroyable. Ouais. Donc, en gros, c'était pour les examens d'hiver, du coup, ben, moi je faisais semblant d'être malade, etc. Du coup, j'avais un paquet de mouchoirs à côté de moi. Et je sais pas si vous vous rappelez des iTouch, donc pas les iPhone, etc., mais les iTouch, ils étaient super plats. Bien sûr. Oui, c'est les Apple qui les conservent avec un MP3 là. C'est ça, exactement. Et donc ils étaient super plats. Moi, j'avais mis entre mon paquet de mouchoirs et le plastique, l'emballage du paquet de mouchoirs. Ce mec, c'est MacGyver, vieille série des années 80. En gros, quand je l'allumais, je voyais toute ma synthèse. Donc j'avais ma synthèse de tous mes cours à chaque fois dessus. Je descendais, je montais comme je voulais. Et dès que la prof arrivait, j'éteignais, je verrouillais mon iTouch et on voyait plus rien. Et donc, du coup, j'avais le paquet de mouchoirs à côté de moi. Et le mec, pour faire de la crédibilité en plus, il allait courir à poil dehors pour tomber bien malade. Et comme ça, après, je disais, il ne triche pas, il est malade. Effectivement, son paquet de mouchoirs est justifié. Et le truc, c'est que je demandais à la prof, je faisais exprès de laisser mon paquet de mouchoirs dans mon sac pour faire vraiment genre. Est-ce que je peux aller chercher mon paquet de mouchoirs? Du coup, elle vérifiait pas. J'allais chercher mon paquet de mouchoirs dans mon sac. Je lui disais, voilà, je lui montrais bien. On ne voyait rien. Oh, le salaud! Ils vont tous sauter sur eBay pour trouver des iTouch de l'époque. T'es détestable, détestable. Et grâce à ça, j'ai réussi tous mes examens. Mais c'est incroyable! Non, mais et t'as jamais flippé, t'as jamais eu la pression, parce qu'il y a quand même une petite pression quand tu triches. Il y a une partie de toi qui se dit, putain, si je me fais gauler. Le truc, c'est qu'au plus tu triches, en fait, faut que ça soit naturel. Faut que tu fasses naturellement. Faut que ce soit flag. Naturellement, ouais. Au plus c'est flag, au moins on va crever. Si tu fais ça de manière genre tu trembles et tout, la prof va se dire ouais, il a quoi. Mais par contre, il est en train de trembler, toi. Donc, moi, j'ai une technique, si je l'annonce à l'antenne et qu'il y a une personne de l'établissement qui écoute, on est tous baisés. Pourquoi de l'établissement de ton école, tu vois. Et on est tous baisés. Hein. Pourquoi? Parce que ça, c'est une technique que. En fait, je pense qu'ils sont cons. Mais dis-le maintenant. Genre vraiment, non, mais je pense. Attends, ouais, là, tu me dis. Tu dis qu'ils sont cons. Attends, alors là, je suis désolé, mais. Ils savent même pas comment je m'appelle dans cette école. Non, du coup, en fait. Écoute, tu sais, tu vas dans les bases de données, tu tapes Nigel. Mais personne sait écrire mon prénom. N-I-G-E-L. Bon, les gars, si vous êtes en galère, vous allez sur le site d'énergie, vous allez voir comment on écrit Nigel. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, il y a une technique de fou dans mon école, en fait, c'est quand t'es en examen à l'UNIF, t'as des QCM. Ouais. Donc des questions en choix multiples. Ouais. Sauf que chez nous, ils donnent d'autres formulaires, tu vois. Genre, maintenant, moi, je suis à côté de toi, j'ai le formulaire A, t'as le B, la RAL C, D, L, D, bref. Ah, comme ça, tu triches pas, ok. Sauf que eux, quand tu donnes un formulaire comme ça, normalement, tu donnes d'autres questions. Sauf que eux, c'est les mêmes questions, juste dans un ordre différent. Donc, ce qu'on fait, tout le monde, mais quand je dis tout le monde, hein, on monte avec un fluo. Ouais. Et on annonce à nos potes, si on surligne la réponse, ça veut dire que c'est une bonne réponse et tu peux la surligner chez toi aussi. Et tout le monde est pendant les examens avec un fluo. Ouais, mais comment mais tu fais à quelle question? Il faut pouvoir lire la réponse parce que c'est pas par ordre. C'est grave facile. Enfin, c'est vrai qu'à côté, ouais, tu peux lire tu, en fait. Ouais. Tu décales un peu ta feuille. Ouais. Le mec, il lit vite fait. Toi, t'as fini. Lui, il lit, il copie tout. Parce que lui, il a la même réponse que toi, mais pas dans le même ouais, ordre c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Ah, quoi, ils ont fait un truc aussi con. Mais c'est ça, genre moi, maintenant, on va ça dire. Ça a changé l'IEX. Hein. Genre, j'ai une question, ça a la question 1. Et ben lui, la question, il va l'avoir, genre la question 16. Et voilà, c'est tout, quoi. Oui, c'est quand même un peu. C'est difficile. Ben non, parce que frère, j'ai juste à mettre ma feuille. Lui, cherche, tac, tac, tac. Il fait tous les trucs. Il doit quand même regarder ta feuille de loin, donc il peut se regarder. Mais c'est pas de loin, on est tous collés serrés. Ah, ok, collés serrés. Ouais, c'est des Saoudiens. On a vu du dadjou et tout, et vous dansez comme ça. Ou alors, ouais. J'ai une technique pour faire tricher mes potes à moi, parce qu'ils osent pas le faire. Ah, pour les faire tricher eux. Ouais. Je regarde devant moi. Je les menace. Oui, vas-y. Je regarde devant moi, genre droit devant moi. Hein. Je regarde les profs et tout, je m'en bats les couilles. Je commence à parler comme ça, je parle comme ça. Et je dis, ouais, donc ça c'est la réponse, donc ça c'est ça. Le prof, tous les profs à chaque fois venaient. Ouais. Ouais, tu fais quoi? Tu triches? Je dis, ah non, monsieur, je suis en train de réciter à haute voix parce que sinon je sais pas écrire. Et je reparle direct après, genre comme si je m'en battais les couilles. Il me dit, ouais, mais tu peux pas, genre ça dérange les gens. Et les gens à côté de moi, ils savent pas que c'est mes potes. Je dis, ouais, ça te dérange? Non, t'inquiète. Il ferme sa gueule, il me dit, ok, mais fais doucement. Et ça, je le fais à tous les examens. Mais comment il peut accepter ça? Ce mec est un mentaliste, c'est un truc de ouf. Frère, non, mais t'as des gentils là-dedans. Il utilise la gentillesse des profs. Mais quelle gentillesse? Ouais. Ils ont aussi triché, ils le savent très bien. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai des commentaires par rapport à ça. C'est vrai? Ouais, non, bah, par exemple, Vince, j'ai une technique de fou pour tricher avec un paquet de mouchoirs. Je n'ai jamais étudié le cours d'histoire. Et maintenant, je suis prof. Si mes élèves peuvent être malins et rusés, j'aurai moins de difficultés à corriger leurs copies. Ah ouais! Et on a une prof qui est en train de dire, allez-y, trichez, faites-vous plaisir! C'est vrai que ça prend moins de temps. Petit message de Cédric, là, sur WhatsApp. J'ai triché en français. Je suis allé chercher sur internet, sur mon téléphone. La prof m'a vu. Elle m'a fait un clin d'œil et elle m'a dit de ranger. Enfin, je croyais qu'elle disait ça, quoi. J'aime trop les profs comme ça. Ah, quoi? Eh, à l'UNIF, j'ai une c'est prof qui a une vu fois. Que tu ouais. triches et qui dit rien. Eh, une fois, elle m'a vu, elle m'a regardé au loin et les profs qui étaient autour d'elle, eux, c'est vraiment des bâtards. Elle m'a regardé. Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a dit. Allez, je t'aime bien, vas-y, elle clin d'œil. Elle m'a dit, calme-toi, sois pas trop flag. Non, parce que normalement, il faut préciser un truc. En école supérieure, tu te fais tricher, tu es. Zéro direct, mais tu peux être envoyé hein, d'une école en trichant. Hein. Ouais, c'est vrai tu peux être envoyé. La première, il y avait un mec qui a sorti son tel. Genre, le prof est venu avec un feutre indélébile. Zéro sur sa feuille, il s'est fait virer 5 ans. Ouais. Mais tu peux te faire virer et ne plus avoir de bourse d'études. Non, mais c'est super grave. Tu peux plus pouvoir t'inscrire à l'école. Ouais, tu peux. Ah, bah ouais, c'est ça. Tu peux plus t'inscrire. Change ta life à jamais. Ouais, ouais. Et s'ils sont gentils, c'est juste annulation de toute ta session. Ouais, c'est ça. Ouais, s'ils sont gentils. Non, mais tu te rends compte, c'est-à-dire que tu triches à un examen. Bon, normalement, s'ils sont gentils, annulation de ton examen sur le coup. Ouais, c'est juste ça, juste à zéro. Mais dans la loi. Ils ont le droit de te virer de l'école et tu ne peux plus faire d'études supérieures. Ils font ça pour mettre la pression aux gens, genre trichez pas. Mais c'est sûr que tu risques. Alors, tu mets ta vie en jeu, tu vois, c'est chaud quoi. Donc faut faire bien gaffe. Les amis, on va accueillir Zach dans le standard. Salut Zach. Ouais. Zach est dans la maison. Ça va Zach, tu vas bien? Ça va et toi, tranquille? Ça va mon pote, on va parler un peu entre nous là, des tricheries d'examen. On a encore Rocco et Lucas là qui vont nous donner leur technique d'examen dans quelques instants. Yo Vince, alors nous, pour tricher en sciences et en maths fortes, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait toutes nos formules, toutes nos définitions et tous nos théorèmes dans la calculette scientifique. Et pendant l'examen et pendant les interros, vu qu'on en avait besoin, bah la prof elle nous autorisait de l'avoir sur le banc. Et une fois qu'elle avait le dos tourné, on allait dans la calculette, on ressortait tous nos théorèmes, toutes nos définitions et toutes nos formules, et on l'a baisé à sec. Oh, je m'attendais pas à dire la phrase. Ah ouais. Hey, vous êtes ouf, franchement. Ben oui, la technique d'insérer des données dans la calculatrice scientifique, c'est vrai que tu peux sauvoider des trucs dedans. Ouais, mais tu peux sauvegarder plein de textes. Ouais, c'est vrai mais que maintenant, les profs, c'est chaud. Effacer ça. Ben ouais. Il y a moyen de dissimuler. En fait, t'as plusieurs copies de sauvegarde, et si tu prends la celle qui se trouve tout au fond, la prof, elle va jamais jusqu'à ta donnée. Maintenant, c'est eux qui donnent les calculettes. Non, mais tu sais même que maintenant, ils te disent de même pas utiliser ces calculettes-là. Ah bon, on peut plus maintenant ouais, on peut plus les ramener, ouais. Oh là là, mais on peut plus rien faire. Vivement la technologie, ouais, c'est à un moment donné, on va se faire la télépathie, ça va être génial. J'ai le plaisir d'accueillir Rocco dans la maison, allô Rocco. Rocco dans la maison. Sur énergie. Ça va, mon pote, tranquille. Tu viens de quelle ville, ton Rocco? Alors moi, je suis de Courcelles, exactement, Charleroi. Courcelles, Charleroi dans la maison. Mais j'ai grandi à Charlouze. Bienvenue à toi, Rocco. J'étais pas très loin de chez toi, là, tout à l'heure. J'étais à Gilly, tiens. Très sympa. Quel joli prénom. Ah, bah, Gilly Jeunet. Gilet jaune. On l'a fait hier. Mais toi, t'es plus près de Pontacel, Chapelle et Raymond. D'accord. Ouais, c'est bien ce qui... 5 minutes de Chapelle. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mon pote, bienvenue à toi sur Énergie. Aujourd'hui, on va parler avec toi là de la tricherie, parce que toi aussi, tu as une technique de triche. Explique-nous, ouais. Qu'est-ce que, comment t'as fait, toi? C'était quoi ta méthode? Puisqu'on est en plein examen. J'en ai eu deux. Moi, j'en ai eu deux qui ont vraiment bien marché. J'en ai une un peu plus que l'autre. Moi, j'ai un peu chipoté à gauche, à droite, et j'ai trouvé des techniques un peu farfelues comme ça. J'en ai trouvé une sur une gomme, en fait. Tu vois, autour d'une gomme, il y a toujours un papier qui l'encourt. En fait, j'avais découpé au scalpel vraiment une petite partie fine du papier sur laquelle j'avais rétréci une feuille A4 que j'avais imprimée. Quoi? Et j'avais mis un aimant dans la gomme, un aimant sur le papier, ce qui permettait au papier de se fermer en une seconde. Et donc, la gomme, on pouvait pas voir qu'il y avait un papier à l'intérieur. Non, excuse-nous, MacGyver. C'est formidable, mais incroyable. Ah, t'as inventé ce procédé tout seul? Ben oui, j'y réfléchis assez longtemps, mais bon, ça va, ça a pas été compliqué à faire. Ouais, ben franchement, chapeau hein, pour la technique de la gomme. Mais après, pour la gomme, c'était pas mal. Tu penses pas que lui, en étudiant, il aurait perdu moins de temps qu'en faisant toute sa gomme, tu vois? En fait, le truc, c'est que parfois, quand tu prends du temps. Tu vois, non, mais il y a des gens, ils sont très bons, tu sais, pour construire quelque chose et très mauvais pour étudier. Il y a des techniques pour étudier. Alors, chacun a sa méthode d'étude. T'en as, par exemple, il fonctionne au visuel, tu lis et c'est bon, ils connaissent. D'autres, ils doivent écouter, entendre d'autres personnes. Il faut le voir sur un ordinateur pour étudier, sur un écran d'ordinateur. Moi, par exemple. C'est impossible. Moi, je devais étudier sur un écran d'ordinateur, j'arrivais pas à étudier une feuille. J'arrivais pas. Par contre, je lisais sur un écran d'ordinateur, je retenais tout, je lisais sur une feuille, ça peut paraître bizarre, je n'arrivais pas. À moi, écran d'ordi, c'est impossible. Hein. Mais je crois que j'ai tellement passé ma vie devant les écrans d'ordinateur et j'ai tellement capté les informations de. Mais j'ai beaucoup joué. C'est-à-dire, tu retranscris pas ce que tu lis en non, fait. Non. Tu lis. Je lis et c'est comment bon. Comment tu retiens? C'est une blague. Mais je lis. Pas des mots-clés. Je mets pas de mots-clés, je lis quelque chose et je comprends. En fait, je comprends le fond. Alors quand c'est lu par cœur, ouais, c'est sûr que là, c'est chiant. Là, ma méthode pour apprendre le par cœur, c'est que je réécrivais et je lisais à voix haute quand je réécrivais. Mais ça, c'est pour le par cœur. Mais de toute façon, je suis désolé. Apprendre du par cœur, ça, non, tu vois. Ça dépend de ton milieu. Franchement, ça dépend vraiment de ton milieu dans lequel tu évolues, tu vas travailler. Mais quand t'es médecin, quand c'est du par cœur. Mais quand t'apprends une langue aussi, bien sûr. Les temps primitifs. Mais je suis d'accord, c'est du par cœur. C'est du par cœur, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que le par cœur, tu sais, pas genre lire ta phrase et faire des. Alors, il faut que ce soit amusant, tu vois. Moi, sinon, j'y arrive pas, mais je pense que vraiment la technique de. Ouais, tu dois donner des dates de trucs par cœur, etc., le rendre un contenu par fait, etc. Alors oui, bon d'accord, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des autres côtés de l'angle droit, très bien, je l'ai appris et je le connais par cœur. Mais bon, quand bien même, tu vois, le par cœur, je sais pas si c'est la meilleure des méthodes pour vraiment bien évoluer. Ça dépend de ton milieu, effectivement. On va également accueillir Lucas dans le standard. Allô Lucas. Lucas, est-ce que tu me reçois? Lucas, tu viens de quelle ville? Moi, je viens à côté de Sirocco parce que je l'ai reconnu, en fait. Ah, c'est vrai, tu connais Sirocco. Tu reconnais Sirocco? Ouais, je l'ai reconnu. Je sais pas s'il est toujours à l'antenne, mais. Oui, t'écoutes. Panzani, il sait bien qui je suis. Mais gros, tu donnes ton nom de famille à l'antenne, t'es con, quoi. Non, c'est pas son nom de famille. C'est pas son nom de famille, non. Rocco, tu reconnais Lucas ou pas? Ben, c'est possible, mais vu comme ça, je sais pas. Il dit que son papa s'appelle Dario. Ouais, c'est ça, je sais pas quel enfant est en train de me parler à ce moment précis, mais... Alors, Rocco, il faut essayer de deviner qui est Lucas, alors, du coup. J'en connais tellement, des Lucas. Lucas, t'as plus d'infos, peut-être, ou pas? J'ai travaillé un petit peu à la pizzeria. Ça va. Ah, t'es le mec qui me donne de l'argent, merde. Lucas, mon pote. C'est quand même fort. C'est un truc, tu rassembles les gens. Deux auditeurs, là, ils se connaissent, tu vois. C'est magique. Non, c'est pas qu'on se connaît, c'est qu'on se connaît très très bien, quoi. En plus. Ouais, maintenant. Maintenant, je vois qui t'es. Non, mais t'as vu, il a dit on se connaît très très bien. L'autre, il a quand même mis 10 ans à le reconnaître. Ouais, c'est ça. T'es celui qui a fait l'amour avec ma femme, j'ai pris sur le fait. Non. Lucas, mon pote, raconte-nous un petit peu de ton côté là. Alors, c'est quoi tes deux techniques de triche? Voilà. Là, elles sont terribles, il paraît. Alors, il y en a une qui, je pense, pour moi, elle est optimale. La deuxième, c'était un peu sur le tas. Bon, la première, j'ai estimé que le copion ne reprenait pas assez d'informations pour pouvoir tricher. C'était Rocco, c'est bon, ça a arrangé. Ouais, donc, on t'écoute. Okay. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à 16 ans, examen de maths, on était dans le réfectoire, c'était la salle d'études. 4 profs qui nous surveillaient et j'avais préparé la veille toutes les démonstrations de mathématiques sur une page A4. Ouais. vraiment brouillon, avec des ratures, des gommes, des traces de doigts un peu pliées, bah, fin, ouais. Une feuille de brouillon, quoi. Ouais. Et à un moment de l'examen, j'avais fait aucune théorie à ce moment-là, une heure et demie d'examen passé, j'ai sorti ma feuille en toussant un bon coup, et je l'ai mise en dessous de ma feuille, parce qu'on avait droit qu'à une seule feuille de brouillon, en fait. Et donc, j'ai sorti ma feuille, je l'ai mise en dessous de mon examen, la feuille blanche que j'avais sortie initialement, ben, je l'ai mis en dessous de ma chemise, et j'ai levé ma main, simplement. Le prof est venu près de moi, je dis « Monsieur, vous voyez, voilà, j'ai préparé tout mon brouillon, parce que j'ai préféré mettre tout ce que j'avais en tête directement, mais c'est pas pour que vous pensiez que c'est pas de la triche ou quoi. Oh, » Il m'a regardé, il m'a dit « Lucas, dépêche-toi, il te reste plus qu'une demi-heure. » Je dis « Oui, ça va. » Donc du coup, 10 sur 10, en théorie, c'était parfait, quoi. Ah, mais wesh. Et le mec, la technique. Hein. Alors là, bravo, je... Merci. Mais je le raconte encore maintenant, même à mon boulot et tout ça, ils me disent ouais, t'as eu droit à ton diplôme, ben, je dis ouais, bon les maths m'ont pas servi par après. Et donc si je peux me permettre une petite minute. Bien sûr. Alors, la deuxième technique, c'était quand même formidable parce que c'était un examen en droit que j'ai réussi. Mais t'as fait quoi comme étude? Donc j'ai fait les études générales et ensuite j'ai fait un bac en droit. Ah ok, ah, d'accord. Putain. Ouais. Voilà. Ouais mais non. Bon, bac en droit c'est pas l'UNIF. Enfin, pour moi c'était easy, mais bon. Pour tout le monde en fait, c'est pas la même chose. Je fais mon examen en droit, j'arrive à l'examen et je dis à mon pote, je fais écoute, viens parce que c'était une porte vitrée. Je fais, tu regardes. Si tu vois que je me touche le front de manière tracassée, fais ce qu'il faut. Bon, il me dit, je vais faire quoi? Je fais, t'inventes, tu fais ce qu'il faut. J'arrive à l'examen, il y a une partie du cours que j'avais pas étudié du tout. Et là, je vois une question qui me mettait complètement dedans. Je pourrais pas rater cet examen-là. Je fais, c'est pas vrai. Donc, je commence à me toucher le front. Et là, il y a mon pote qui commence à toquer à la porte. Madame, la prof se lève, elle fait qu'est-ce qu'il y a? Et il y avait un autre pote à moi qui était par terre, il dit, oh, il fait un malaise. Donc moi, je fais quoi? Je remets ma question, celle que j'avais piochée, j'en ai repris une autre. J'ai changé les étiquettes. Et boum, là, à ce moment-là, j'ai tout déballé, c'était magnifique, quoi. C'est ouf. Donc tes potes, en fait, ont servi. Ils n'étaient pas là, ouais. Ils ont pris l'attention de la prof, quoi. C'est. Qu'on appelle ça encore, tu sais, quand on voit des gens, là, pour. Diversion, quoi. Une diversion, putain, mais c'est ouf. Eh, la technique de Lucas, là. Ça s'applaudit encore une fois. Franchement, c'est dingue. Merci. On nous dit dédicace au plus grand tricheur du monde qui a été envoyé, là, de la part de Nathan. Voilà, mais c'est gentil, merci. Eh ben, en tout cas, respect. Lucas, je te souhaite une très bonne soirée. Merci, en tout cas, pour ton passage, mon pote. Quand tu veux, hein. Merci à vous. Une bonne soirée, continuez comme vous faites. Au revoir. Ouais, bientôt, au revoir. Il y a de la chance. Et bisous, hein. À Rocco aussi, bisous les gars, croisez-vous un de ces quatre. Bisous les gars. Bye bye, portez-vous bien la famille, ouais. Merci. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. I'm not afraid to die. son me met la pression. J'ai toujours les poils qui s'hérissent quand j'écoute ce morceau. La Panic à de Disco avec High Hopes. J'espère que ça se passe bien tout le monde. Merci à vous d'être connectés sur NRJ. Vince est dans la maison. Bon les amis, c'est les vacances. Qui dit vacances dit qu'on est posé, on est tranquille. Posé, je suis sous Jack dans mon bendopo loulou. Et pour les vacances, eh ben, c'est moi qui vous accompagne. Là on est le mercredi 2 et je serai encore là demain jeudi 3 jusqu'à vendredi 4. On sera de retour le 7 lundi avec toute l'équipe en direct. Et merci pour tous vos messages que vous envoyez sur Instagram. Comme d'hab, vous êtes là au taquet, ça fait plaisir, vous êtes motivés. Bisous à Emily Goldorak. Oui c'est son prénom, hein. C'est son blaze sur Instagram. À Tyrone Junior. À Georges aussi, à Damarco 470 que je salue. Alors je sais qu'il est à l'écoute hein, d'office, Gmail, voilà, je lui fais un bisou aussi. À Fatih Lady, à Calvin Marino aussi, et à David. David, je te vois plus au sport. Qu'est-ce qui se passe, David? Ouais, parce que David, c'est un auditeur que j'ai croisé dans la salle de sport où je m'entraîne, et le mec était trop impressionné pour venir s'entraîner avec moi. Ouais, enfin, pas impressionné par moi, hein, par le gars avec qui je m'entraîne, parce que je m'entraîne avec une montagne de muscles. C'est vrai, quand tu regardes de loin, t'as un peu flippé comme ça. D'ailleurs, je le salue, il s'appelle Elitia. Bon, les amis, pour la suite, check pas ton messenger, c'est Brian qui va piéger l'INSEE dans quelques secondes. Loïc Notet pour la musique, Offenbach aussi. Et puis, il y a un bébé chez les connais. Et un moment que pas mal de gars attendent. Ouais, chaque fois, c'est les gars qui attendent. Ouais, Vince, ce soir, vous avez testé la fidélité des gars et tout. Ouais, le TTFX, les amis. Un gros jeu que j'ai re-ramené ici sur NRJ depuis qu'on a démarré le 20 et tout. Là, on s'était dit, bah tiens, les auditeurs leur demandent, on va le faire. C'est Laurie qui piège Martin. Elle va vérifier si le mec est fidèle. Préparez-vous à du lourd. C'est tout de suite sur NRJ. Vince dans la maison. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur NRJ. Brian. Ouais. Tu vas envoyer une photo de toi avec le prénom de ton ex à l'INSEE. Fais gaffe, Brian, parce qu'on t'entend pas très bien, en fait. Hein. Là, tu m'entends ou pas? Ouais, je pense que ça va tenir. Je pense que ça va tenir. Attends, tu veux que je me déplace parce que, ouais, mets-toi dans un endroit où t'es sûr d'avoir toutes tes barres de réseau. Nous sommes en 2018 et oui, nous avons encore des galères de réseau dans certains endroits. Mais pourtant, je suis en centre-ville. Ah bah ouais, ah ouais, bah, du centre-ville de Liège. Ouais, oui, Grivenis dans le centre-ville de Liège. Ouais, d'accord. Ah, Grivenis dans le centre-ville de Liège. Je savais pas, je pensais que c'était en périphérie, moi. Ah oui? Non. D'accord. Ouais. Oh, okay. Je le découvre. Okay. Brian, tu vas envoyer la photo de toi où tu te. Voilà, tu es en mode un peu beau gosse avec le prénom de ton ex à l'INSEE sur son Messenger. Tu peux envoyer. Maintenant, tu lui dis quand c'est envoyé. Hein. Alors, on a entendu le petit bip. Oui. Alors ? Ouais, c'est bon. On appelle. C'est parti, on l'appelle. Tu lui dis, check pas ton Messenger. On y va. Faut qu'elle réponde direct. Ah ouais. Si on est baisé. Oui, allô? Oui, bébé, c'est moi, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Dis, c'est impossible, je t'ai envoyé un truc par erreur sur Messenger, c'est possible que t'aies pas jeté? Pour? Ben, parce qu'en fait, c'était un délire avec un pote et tout, et je te l'ai envoyé sur son expert parce que c'était via partage acteur, tu vois? Ouais, mais tu sais très bien qu'à un mois demi, je vais le voir. Donc, il vaut mieux que je le voie. Bah, ouais, tu me fais confiance, tu peux juste supprimer la discussion et c'est bon, tu vois. Ouais, on verra. Bah, si tu vois, tu pourrais faire ça. On verra. Non, mais Zarma, s'il te plaît, vas-y, dis va pas. Tu vois que t'es déjà en train de sur ton téléphone, je sais pas ce que tu fais, mais Zarma, tu supprimes juste, il n'y a rien à voir. Mais pourquoi? Bah, parce que je te dis, rien à voir, c'est juste un délire avec un pote, et voilà, c'est en même temps, c'est pour lui et tout, et j'ai pas envie que tu vois ce que c'est. Bah, je sais pas. Non, je sais pas. De quoi, non, je sais pas, non, juste tu regardes pas, c'est tout. Mais non, y a pas de, on verra, tu sais pas, tu regardes pas, c'est tout. Bah, pourquoi? Dis-moi, moi, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Non, je te dis, c'est un délire avec un pote, c'est pour mon pote, quoi? Qu'est-ce que tu vas m'envoyer? Bah, genre, de base, c'était pour mon pote. J'ai envoyé un truc pour mon pote, pas pour toi, tu vois, déjà. Donc, je vais pas à t'expliquer. Si je te demande de supprimer, c'est je vais pas t'expliquer non plus, non? Bah, je sais pas. Si c'est par rapport à ton pote, je peux savoir quand même. Bah, non, j'ai pas envie de te le dire. Bon, ça va, tu fais juste pas des bizarres, tu supprimes et c'est tout. Non, je veux voir ce que c'est. Tu sais très bien comment je suis, moi je veux voir ce que c'est. Bah pourquoi tu veux encore fouiner? Pourquoi tu vois ce que j'ai dit? Pourquoi tu veux faire ça encore?

dès 21h. She say, do you love me? I tell her only partly. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Et respect Loïc pour la voix, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas, j'essaie d'aller dans les aigus comme lui, hein, genre. Mais non, ça ressemble à rien, il n'y a rien à faire, il faut être un talent pour faire un truc pareil. Bon, les amis, pour la suite, au Funback, Major Lazer, comme promis, TTFX, ça arrive, bébé, j'ai déconné. Par contre, pour le TTFX, parce que ceux qui vont se demander, c'est quoi le TTFX ? C'est Test ton futur ex. Oui, ce jeu-là, ce moment sympa d'émission où une auditrice ou un auditeur teste la fidélité de son gars ou de sa meuf, on l'a appelé Test ton futur ex sous prétexte que d'office ça va foirer. Pas forcément, mais en tout cas, pour l'instant, on l'a refait 4 fois, je crois, et 4 fois, il a foiré. Bref, Laurie va vérifier si Martin est fidèle grâce à l'aide de Lara. D'après vous, est-ce qu'il est fidèle ou pas ? Dites-moi quoi sur WhatsApp, 0492 222 002. Encore une fois, le 0492 222 002. Voici TTFX tout de suite sur Energy. Passez une bonne soirée tout le monde et bonne année. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Energy. Laurie, alors c'est parti. C'est Lara qui s'y colle. On va téléphoner à ton gars tout de suite. Qui s'appelle comment ? Il s'appelle Martin. Martin, très bien. Je précise que Lara a toutes les infos. On l'appelle maintenant, j'espère que ça va bien se passer. On va tester sa fidélité dans le TTFX. Ouh là là. Tout de suite sur Énergie. Coulasse. C'est parti. Agel. Au pire, Laurie, on sera toujours là pour toi. Allô ? Allô, Martin ? Allô ? Ouais, ouais. En fait, excuse-moi, tu me connais pas, je suis désolée de te déranger à cette heure-ci. Mais c'est qui, là ? En fait, je m'appelle Emma, tu me connais pas, mais c'est Marc qui m'a donné ton numéro.

I brush up on them, I could tell they like me. You know all them on them, I try to swipe me. Now that we could afford to ice me. Tell them that's a bad for me, bitch, you know your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy, yeah? Million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. Let's let a woman like me. Young money. Le soir, dès 21h, dès 21h. She say, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Et depuis que j'étais le voir au cinéma, le nouveau Spider-Man, et ben Post Malone avec Swae Lee là, ce Sunflower, je le kiffe encore plus. Je sais pas, j'ai comme un lien avec ce morceau tellement j'ai kiffé Spider-Man là, Into the Spider-Verse. Ou Spider-Man New Generation si vous préférez. Hein. Bon allez, c'est parti. Prank de l'extrême, c'est ce qui débarque. Et bienvenue à tous ceux qui viennent m'ajouter et me follow sur Insta là. Vince Radio, VINZ Radio, c'est la dernière ligne droite de cette émission les amis. Avec le prank de l'extrême, Vincent qui piège Mathieu. Montez le volume de votre radio, ça va être énorme. Et pour toutes les personnes qui sont à l'écoute là, n'hésitez pas à filmer votre radio quand vous écoutez des moments de l'émission et me mentionner quand vous mettez ça dans votre story. Comme ça, moi je vous repartage. C'est une manière de vous donner de la force. Allez, bienvenue. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Ça, Vincent, c'est parti, c'est le moment. On va donc appeler ton pote, tu vas lui faire croire que, en gros, t'as bibi, t'as chipoté des trucs qu'il faut pas chipoter. Voilà, ouais. Voilà, t'as dealé de la drogue, pas bien. Oh my god. Et ce qui s'est passé, c'est que des mecs avec qui t'as collaboré, c'est parti en sucette et ils ont kidnappé ta meuf, qui est sa sœur, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, c'est parti, on l'appelle, il s'appelle Mathieu. On te laisse parler, ouais, après nous on va s'en mêler. Let's go. Courage. Bon courage. Bon courage. On coupe le micro. comme ça ils nous entendent pas. Allô. Mais vous oui. Ouais, Matt. Ouais. Ouais, ça va, gros? Bah, c'est Vincent, gros. Oh, mec, tu m'as fait peur, ouais. Tu m'appelles en numéro privé. Ah, désolé, j'ai pas fait exprès. C'est parce que j'ai des petits soucis en ce moment, donc je reste le plus anonyme possible. Ah, putain, tu m'as fait peur, ouais. Je suis ma race. Bon, qu'est-ce que tu as? Ça va? Bah, à vrai dire, là, pas trop. C'est un peu la galère, gros. Genre, t'es habillé, là, encore? Bah, c'est quoi ta question, bien sûr. Ouais, ben, prépare-toi, parce que, genre, je vais bientôt venir te chercher. Parce que, en fait, on a des petits soucis avec Claudia, tu vois. Attends, vas-y, explique-moi. Bon, tu t'énerves pas, gros, ok? Tu t'énerves pas, déjà, là, ça part mal, vas-y. Non, mais t'inquiète. Gros, tu me laisses tout parler, ok? Je gère la situation, tu me fais confiance, ça fait 8 ans, on est potes, tu vois, tranquille. Ok? Ouais, vas-y, accouche. Non, mais je te jure, je gère vraiment la situation, ok? Allez, viens, t'accouche. En gros, là, tu vois, bah, depuis un peu de temps, genre, financièrement, ça va mieux, tu vois. Genre, j'achète plein de cadeaux à Claudia et tout, tu vois. Genre, même pas, je t'ai déjà fait des cadeaux et tout, tu vois. Tranquille. Ouais. Et, c'est chaud à dire. T'as trouvé un nouveau travail? Ouais, mais en fait, je vous ai un peu mytho, tu vois. Genre, j'ai pas de nouveau travail. En fait, mon nouveau travail, c'est que je me suis mis dans la drogue, tu vois. Genre, j'ai dealé pour un pote. Oh, Vin, tu te fous de ma gueule, là. Ouais, mais... Genre, au départ, ouais, ça allait bien, genre... Non, mais t'inquiète, écoute. Genre, en gros, au départ, je devais juste aller chercher la drogue, j'allais donner aux gens, tu vois, tranquille, je recevais l'argent, j'avais 50% des ventes et tout, tu vois, tranquille. Eh, hey, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Ben, gros, t'inquiète, c'était tranquille, quoi. Enfin, je te dis, je prenais l'argent, c'est bon, je déposais, hop, tranquille. Le mec, t'es avec ma soeur, là. Eh, hey, les conneries, stop. Enfin, tu fais tes conneries tout seul, je m'en fous, mais t'es avec ma soeur. Ouais, mais gros, justement, je vais t'expliquer après. Genre, en fait, c'est le dealer, là, ben, on s'est un peu disputé et tout. Et il m'a dit, ouais, je veux que tu fasses plus pour moi, tu vois. Genre, parce qu'il voulait pas me donner mon argent. Et donc, ouais. J'ai dit, bah, ok. Et en fait, il y avait un sac à dos avec... Non, mais tu te maillot, quoi, ok. Mais ouais, mais... Enfin, voilà, t'es pas tombé là-dedans. Non, mais sans déconner, t'es pas tombé là-dedans. Ben, j'aimerais bien sortir et tout, tu vois, mais... Je te promets, après cette histoire, c'est tout, j'arrête, je te jure. Mais t'aurais déjà dû arrêter depuis le début, enfin, t'es con, quoi. Genre, on s'est toujours dit, enfin, si t'as besoin d'argent, tu me le dis et on m'en parle, quoi. Mais là, t'es sérieux. Matt, franchement, attends, parce que là, vraiment, c'est galère. Je sais pas comment je vais faire, là. En gros, donc, ils m'ont demandé de transporter un sac à dos, tu vois. Ouais. Parce que là, tantôt, j'ai pris le train avec ce sac à dos, j'ai vu un pote, j'ai parlé avec mon pote, et j'ai laissé le sac à dos en train, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que genre, il y en avait pour à peu près 3000 euros, tu vois, dans le sac. 3000 euros de quoi aussi? Bah, de bœufs et tout, tu vois. Genre, il y avait de la bœufs, de la drogue et tout, tu vois. Non, mais t'es sérieux là? Oh! Ouais, mais le problème, Non, oh, stop, pause, viens, tu fous ma gueule. Non, Mathieu, s'il te plaît, laisse-moi parler, parce que là, je te jure, ça le fait vraiment pas. Je suis en stress de fou. Genre, quoi, ça fait vraiment pas? Non, mais quoi, ça fait vraiment pas? Tu m'appelles, tu me dis, ouais, je vends de la drogue et tout pour offrir des cadeaux à ta sœur. Non, mais t'es sérieux ou quoi? Gros, attends, Claudia, elle est plus à la maison. Genre, le mec, il est venu chez moi, tu vois, à notre appart, et il a laissé un mot sur la table, Claudia est plus à la maison, tu vois. Genre, elle a disparu, ils l'ont enlevé, en fait, les gars. Eh, hey, tu te fous ma gueule, là, sérieux? Gros, je te jure, elle est plus à la maison. Eh, hey, mais, toi, mais je vais te couper les couilles. T'es sérieux? Elle est où, ma sœur? J'en sais rien, gros, je te jure, ça va vraiment plus, là. Je sais pas quoi faire. Genre, j'ai perdu le sac à dos, j'ai pas les 3000 euros pour donner au mec. Le mec, il arrête pas de venir, là. Putain, en plus, je suis sûr ils vont venir me trouver, là, parce que je suis retourné à l'appartement. Ferme ta gueule. C'est qui ce mec? Je sais pas, mais je connais pas les mecs, Matt. Il y en a partout. Les gens, je connais pas qui c'est, tu vois. Mais t'es sérieux ou quoi, mec? Mais putain de merde. Mais tu sais, tu deals avec un mec que tu connais même pas. T'es sérieux ou quoi? Mais Matt, j'avais besoin d'argent, tu vois, je me suis fait un peu de thunes, c'était bientôt Noël. T'as pas besoin d'argent, ferme ta gueule. Si ça allait de l'argent, tu me l'aurais dit. Bah, tu crois que j'aurais prêté de l'argent, je m'en fous. Ok, mais commence pas à me faire la morale et tout maintenant. Je pense que le principal, c'est de retrouver ta sœur, tu vois, parce que je sais pas du tout où elle est, je pense qu'ils l'ont pris, non, tu mais vois. Mais tu fous vraiment de ma gueule là, genre, ma sœur est partie, tu sais pas où elle est, bah appelle-la sur ton téléphone, putain, attends, vas-y, je l'appelle. Gros, tu crois que j'ai déjà pas appelé, ça fait 20 ans que j'appelle. J'ai essayé de l'appeler et tout, et c'était les mecs qui ont décroché. Vincent, hey, j'étais surpris, j'ai remis mon casque, je suis en train d'écouter ce truc. Il a raccroché. Allez. Il a raccroché, il a raccroché. Bon, bah, je crois qu'il est dedans, mais je crois que tu l'as mis en PLS et il est en panique, à mon avis. Hein. Il serait temps que la mafia rentre dans le problème. Parle-moi, Carlos. Yo soy Vincenzo. Si. Alors Vince, parce que c'est... Il s'appelle Vincent, je peux vous le préciser, il faut le rappeler, Vincent, parce qu'à chaque fois, son pote, ton pote il t'appelle Vince en fait. Ouais, il m'appelle Vince, ouais. J'ai flippé, à un moment donné j'écoute et tout d'un coup j'entends, mais putain Vince, c'est bon, arrête tes conneries. Et là je me suis dit, ah merde c'est bon, ils ont crié que c'était la radio. Et non. Et puis non, je m'étais souvenu effectivement que t'appelles Vincent. Ouais, alors dis-moi. En plus il kiffe trop le mec, tu vois, genre... Genre, il est trop fan de toi et tout. En plus, il me connaît. Ah, mais c'est énorme. Ouais, ah, oui. Ah, c'est énorme. Alors, attends, Vincent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rappeler. Et tu lui vas dire, putain, je suis en flip, il y a des gens qui toquent à ma porte, c'est eux, ils sont de retour, ils viennent pour l'argent, etc. Ça va? Ok. Ok, super. Attention. C'est parti. Vincenzo. On rappelle. Tony Turian. Décroche. Allô, Matt. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Ma soeur répond plus à son téléphone. J'arrive gros, pas à gros, gros, gros, gros, gros, gros, s'il te plaît, viens, gros. Il y a des gens qui toquent à ma porte. Gros, s'il te plaît, ils sont devant la porte. Mais ferme ta gueule, gros. Gueule. Gros, je m'en bats les couilles, ma soeur. On va ouvrir la porte. Hé, espèce de connard, tu t'es mis dans la merde tout seul. Moi, je vais retrouver ma soeur, alors maintenant, ferme ta gueule, tes mères. Mais Dieu, ils ta soeur, mais écoute-moi, ils sont devant la porte. Ouvre la porte. Oh, il a rouché. Ils sont pas là. Et t'imagines si c'était pas une blague, le gars là je m'en bats les couilles, tu te démerdes quoi. Super le pote. C'est incroyable, pendant que nous détenons ta sœur, il en a rien à foutre, il est raccrochonné. Il est fou. Il est fou. Peut-être qu'il a peur de payer sur sa facture Proximus. Bon. Ah bon. Vicente ou Vincenzo ou Vicente, je commence à mélanger espagnol et italien, pas en sucette. Attends, on rappelle, fais genre, ils vont rentrer et tout, vas-y, attention, on rappelle. Ouais. Mais là, tu rentres, t'as en mode. Non, je toque encore. Spaghetti. Ça fait mal de toquer, là, putain, sur la table de mix. Imagine, je la casse demain. Ouais, on a un problème sur la table de mix. Ça, c'est pas nous. C'est Tony. Allez. Quoi encore? Mathieu, putain, je te jure, ils sont devant la porte. Mais ils m'ont pas. Ouvre! Frère, t'appelles les flics, tu fais comme moi, je viens d'appeler les flics. Oh, comment tu veux que j'appelle les flics? Écoute, Mathieu, s'il te plaît, écoute-moi. Mathieu, au lieu de m'appeler, les Mathieu, pas Mathieu, dingue, au lieu de m'appeler, t'es une connasse, t'as qu'à appeler les flics. Mathieu, écoute-moi. Quoi? Ils ont laissé sur le mot, ils ont marqué que si je parlais à la police ou quoi que ce soit, ils tuaient Claudia, gros. Et ben, il est trop tard, je suis démerde, non, je m'en bats les couilles. T'as réussi à prendre les thunes de la drogue. Eh, écoute-moi, ferme ta gueule. T'as réussi à prendre les thunes de la drogue, maintenant tu te démerdes avec tes vieux gars, là. Je m'en bats les couilles, moi, je veux ma soeur, ferme ta gueule. Ouvre la porte, on sait que toi, là. Allez. Eh, je veux quoi, derrière. On te voit par la fenêtre, ouvre. Viens ouvrir, défonce la porte, Norgel. C'est mardi. Ouvre la porte. Norgelini. Je me casse les couilles, t'es passe-moi les... Moi, je peux m'asseoir. Tu es au téléphone avec qui? Tu es au téléphone avec la police? Donne-moi le téléphone. Donne-moi son téléphone. C'est pas la police, c'est ça. Allô, qui est à l'appareil? Ah non. Non, putain, non, accroché. Je l'avais. Allez. On l'avait. Attends, je récupère Vincent parce que j'ai mis Vincent en attente autre temps là. Mais pourquoi il fait que raccrocher lui? Bon, parce qu'il a rien à foutre, tu le démerdes. Voilà pourquoi. Il est fou, il est complètement. Ouais, je t'en bats les couilles. Attends, mais non, je crois pas qu'il s'en bat les couilles. Je crois qu'il est en colère ou je sais pas très bien. Et les amis, 22h22, dépassé. Dépassé 22h23. Réception. Ah putain, attends, on rappelle. Voilà, et si vous écoutez ce passage le vendredi, c'est un passage enregistré le vendredi. Non mais ça c'est découpé, hein, t'inquiète. Ça va, coupe-le alors, parce qu'on est en direct là, je précise. Hein. Attends, le vendredi à 22h22 qui passe à 23h50, tu vois, rien à voir. C'est l'imbroglio. Ouais. Nathalie Mou. Oui. Allô. Non mais c'est parce qu'en fait, ils ont ma soeur en fait. Allô. Ils ont ma soeur, c'est un de mes potes en fait. Et voilà quoi, enfin, je sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plaît. Non, allô. Mais bref. Allô, c'est qui l'appareil? Allô? Allô, oui. C'est qui l'appareil? Attendez, excusez-moi, je reprends dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Et tu veux quoi, toi? Putain, vas-y, ta gueule. Écoute, là, on a baïonné Vincent, là. On a baïonné. Là, on va arrêter de jouer aux couilles. Je m'en bats les couilles. Tout va bien parler parce qu'on tient... Écoute-moi bien, on tient ta sœur, et là, on tient Vincent. Vas-y, la police écoute. Là, ok, il n'y a pas de problème. Mathieu, putain, je t'ai dit de pas appeler la police. Hein, donc tais-toi, tu es baïonné, ferme ta gueule. Tiens, prends ça. Attends, vas-y. Tais-toi. Prends ça. Attends, prends ça. Vous avez vu, il est en train de frapper mon pote en fait. Et prends ça. Voilà. C'est bon, là, il va plus parler. Allô, Mathieu. Ouais. Mathieu, il faut que tout de suite, on nous ramène 5000 euros. C'est comme ça. C'est qui, toi? Mais ta gueule, Moi, il m'appelle Grottonino. Tu sais, comme dans les Simpsons. C'est le même délire. Parce que tu crois vraiment que je vais te donner mon prénom avec la police qui écoute. Mais y a pas de souci, y a pas de souci. Formidable. Alors, tu dois savoir quelque chose. Vincent, il a fait le mal avec la famille. Putain, c'est ma gueule, il a raccroché le bâtard. Ah non, je suis toujours là. Eh ben toi, espèce d'Italien de bague, mon cul, là, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est très simple. Il me faut 5000 euros, là, tout de suite, maintenant. Et pas 5000 pesetas. Ta gueule, 5000 euros. C'est quoi, 5000 euros? Tu vas aller chercher dans le cul de mon pote, c'est quoi? Oh là là, mais c'est ta sœur que je vais mettre dans le cul de ton pote. Ou peut-être qu'elle a déjà été avec un gars dans moi. Tu touches à ma sœur, c'est déjà fait. Il est touché ses cheveux, il est touché ses lèvres. Il est touché son nez, il a même mis mon doigt dans son anneau, ça a fait ça. Tu mets ton doigt dans ton cul, fils de pute. Tu mets ton putain de doigt dans ton cul et tu vas niquer ta grand-mère. Tu vois, va niquer ta putain de grand-mère. Non, c'est pas la grand-mère, c'est le parrain. Mais ta gueule, ton parrain de mes couilles, là. Putain, rends-moi ma sœur, c'est tout ce que je te demande. T'as gagné ta race, là, l'autre type de pute de Vince, là. Respecte Vince. Parce que le prénom Vince, c'est plutôt pas mal, le prénom Vince. Moi, j'aime bien. Mais ta gueule, Vince, c'est un prénom baltringue de merde, là, tu peux. Ah oui, vraiment. Donc, le prénom Vince, c'est un prénom de baltringue de merde, de fils de pute, hein. C'est ça. Eh, ferme ta gueule avec ton accent de merde, là, espèce d'enculé de ta race. Tu es raciste. C'est pas bien d'être raciste. Mais je suis pas raciste, t'as juste une voix de connard, une voix de. Déjà, de, tu respectes pas ton ami qui a un beau prénom, le prénom Vince. Parce que. Mais Vince. C'est pas mon ami. Ok, tu sais quoi? Je vais libérer ta sœur et je vais libérer Vincent ou Vince. Mais à condition que tu me dises quel autre Vince tu connais sur Terre. Parce que Vince est vraiment un beau prénom. Mais la jeune mère, je le connais aucun Vince en fait. Ce mec-là, je le connais pas. Tu connais pas d'autres Vince, des gars qui s'appellent Vince? Non, mais même le Vince que vous avez là, genre, je le connais pas. Non, bah, pas, si, il m'a dit que tu le connais. Il m'a dit que tu connais très bien, qu'il y a un rapport de famille, là. Mais tu connais vraiment pas d'autres Vince. Mais il n'y a pas de rapport de famille ou quoi que ce soit. Vraiment, je le connais pas. Vas-y, relâche ma soeur, je te pute. Arrête de traiter ma madre, boss, bordel de merde. Elle est dans le cimetière, elle est bien tranquille là-bas. C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire? Ton accent, c'est de la merde. Mais il n'y a pas de problème. C'est toi la grosse merde ici. Mais c'est pas grave. On va dire c'est celui qui dit qui est. On dirait la vieille pub bouillonnée là, tu vois, pour les trucs dégueulasses là. Non, c'est les panzani, c'est pas pareil. C'est la casa de mamma. C'est ça que tu dois comprendre. La casa de ton cul, hein. Bon, maintenant tu libères ma putain de sœur et tu. Mais toi, tu te fous de ma gueule. Mais toi, tu te fous de ma gueule depuis là tout à l'heure, c'est pas possible. C'est pas possible. Il détient ta sœur et tu me fais des blagues. Sérieusement, à un moment donné. Bon. Et c'est qui le connard qui rigole derrière là comme une vache? Il y a du monde autour de moi. Et mon vrai prénom, c'est pas Grottonino. Mon vrai prénom, c'est un prénom de batrègue de fils de pute. C'est quoi? J'ai pas le temps, je m'en vais avec lui, ma sœur. Attends, écoute-moi, tu vas connaître la vérité. Écoute-moi, il casse les couilles, raccroché lui. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Ah ouais. Podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Et puis vous inquiétez pas, c'est également disponible sur YouTube. Le YouTube Énergie Belgique. Merci les amis d'avoir profité de cette émission, d'avoir kiffé. Merci d'être là, fidèle pendant les vacances. Et ben franchement, je suis content d'être resté. Ça valait la peine, ça valait le coup. Il y a eu tellement de nouveaux ajouts sur le WhatsApp, tellement de nouveaux followers, tellement de nouvelles personnes qui viennent de découvrir l'émission. Et ben, si vous avez découvert l'émission pendant les meilleurs moments, ça me fait plaisir, mais dites-vous que les meilleurs moments que vous allez passer, ben, ce sera à partir de lundi, quand on sera de retour en direct avec toute l'équipe. Je dis pas, là c'est les meilleurs moments, donc on vous a sélectionné le meilleur du meilleur. Le meilleur cru, la meilleure bouteille de champomy d'abord. Mais sauf que là, c'est normal quand on vous met le meilleur du meilleur. Mais il n'y a rien de mieux qu'une émission avec tous les membres de l'équipe en direct. Parce que là, ce que vous entendez, c'est des petits morceaux. Voilà, il y a des moments où je passe, je vous présente un petit peu ce qui va se passer. Voilà, je lis quelques messages Instagram, WhatsApp et tout. Mais le plus intéressant, c'est quand il y a une interactivité en temps réel. Et c'est ça qui est kiffant dans cette émission. Et c'est ça qui reviendra à partir de lundi, les amis. Donc je vous redonne le numéro WhatsApp 0492 222-002. Allez, bonne nuit tout le monde. Je vous laisse tout de suite avec la playlist énergie, tout simplement. À demain 21h. Bisous, ciao, peace, bye bye.